Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movie Nerd, l'émission mensuelle où l'on se retrouve entre passionnés de cinéma pour parler et donner nos avis sur différents films que l'on a pu voir durant le mois passé. Vous écoutez en ce moment l'épisode numéro 25, enregistré le 8 avril 2016. Je suis Axel, un des autres qui vous accompagnera durant ce podcast. Mais je ne suis pas seul car j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés toute l'équipe du podcast, enfin au complet. En commençant par Quentin, puisque bon, on s'est parlé entre temps, mais on n'a pas fait de podcast depuis janvier, donc salut. Salut. Ça va ? Oui, ça va, super. D'accord. Morgane, ensuite, salut. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Bah, plutôt bien, je suis en vacances. Ah, donc, formidable. Voilà. Ah. Et enfin, Eddy, salut. Bonjour. Bonjour, je suis concentré, je regarde un truc en même temps. Ça va? Oui, ça va très bien. Oui, ok. Désolé. À part le fait que tu sois au bistrot d'à côté, ça va à peu près. Oui. Donc, parce voilà. Qu'elle est trop... C'est ça, exact. On est sur le podcast du mois de mars, donc on va parler des films, principalement des films qui sont sortis au mois de mars. Et on a un programme assez chargé, donc on a décidé de faire comme le mois dernier, on aura deux films du mois. Pour le sommaire, donc on commencera avec un premier film du mois sur Room, juste Room, pas le mauvais film The Room de Tommy Wiseau, les amateurs comprendront. Ensuite, on aura les coups de cœur, coups de gueule et découvertes. On va parler de plein de films, Ten Cloverfield Lane, Midnight Special, Divergent 3, Night of Cups, etc., etc. Il y en a énormément. Je pense que vous l'attendez pas mal, les auditeurs, le Batman v Superman, on va parler de Batman v Superman, l'aube de la justice ou The Dawn of Justice. Pourquoi v Superman? J'ai jamais compris, c'est pas Versus? Non, le titre officiel c'est Batman v Superman. Mais pourquoi v? Mais je pense que c'est parce qu'il y a le S de Superman à côté, donc voilà. C'est bizarre. Pour les hashtags. Ouais, Superman. C'est sûr. Ouais, c'est peut-être. C'est une astuce marketing. Peut-être. Ouais, sûrement. Ils ont dû faire Superman versus Batman. Non, c'est quand même le titre le plus moche de l'histoire. Non, c'est quand même. Ça a aucun sens quand tu vois le film. Pourquoi? À part l'aube de la justice, si, quand même. L'aube de la justice, ça aurait oui, fait. L'aube de la justice, le titre rallonge Batman. Enfin, moi, déjà, je trouve que versus dans un titre, ça fait nanar. Ouais, c'est ça fait un peu production Asylum quand même. Hein. Mais je pense que s'ils avaient appelé ça juste l'aube de la justice, ça, ça fait Sharknado versus Octopus quoi. Enfin... Ouais, l'aube de la justice, ça aurait pu être pas mal en plus. Parce que l'aube de la justice, ouais, tout simplement. Ouais, c'est pas vraiment un film Batman ni un film Superman. Ça... Voilà. Non, donc, voilà, c'est ça. Ça introduit l'univers DC quoi. Ouais, donc voilà, on va pouvoir en parler. L'univers DC et le décès du public en même temps. Pardon. Voilà. Donc, trop gentil. Merci. Donc, il y aura du débat. Je peux vous l'annoncer. On n'est pas tous d'accord sur le film et on va en parler pas mal. À mon avis, c'est étonnant. Comme on aurait sur même pu faire un podcast façon. Que sur ça. Exactement. Vrai, voilà. On voulait pas ennuyer ceux qui sont pas intéressés par Batman v Superman. D'ailleurs, en plus, on aura une partie spoiler et enfin une partie non spoiler pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et une partie spoiler pour ceux qui veulent absolument qu'on entre dans le cœur du débat, puisqu'il y a énormément de choses à dire sur ce film, donc voilà. Je pense que sans attendre, on va pouvoir passer au premier film du mois, un petit film indépendant, je crois que c'est indépendant, si c'est indépendant, C'est Paramount. C'est Paramount, 6 millions de dollars, c'est pas non plus le gros budget, mais c'est un plus petit film que Batman v Superman, donc voilà. Commençons par... Il y a moins de budget, Par Room. See on TV, those are pictures of real things, of real people, real stuff, real cats. They just do, they just fit. They just fit out in the world. Donc on commence avec le premier film du mois, on va parler de Room, réalisé par Lenny Abrahamson, sorti aux États-Unis le 16 octobre 2015 et en France le 9 mars 2016, donc voilà. comme quoi, c'est finalement, on dit que les films sortent à peu près en même temps maintenant dans notre monde d'aujourd'hui, bah, finalement, pas tant que ça. Et déprogrammé très très vite, parce que, bah, en tout cas, pour, personnellement, dans mon cinéma, il est resté qu'une semaine à l'affiche. Ouais, ouais, il est pas, enfin, je pense que dans le cercle, enfin, cercle cinéphile, ça fait beaucoup, enfin, on en a beaucoup parlé, mais à part ça, il y a pas eu beaucoup d'affiches, etc., pas beaucoup de pubs en tout cas. Bon, après, c'est normal, c'est un film quand même. La seule pub qu'il pouvait y avoir, c'est le fait que Brie Larson a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Exact. Mais sinon, voilà. Donc voilà, on retrouve à la distribution Brie Larson justement, Jacob Tremblay, Joan Allen, William H. Macy, qui n'est à mon avis pas assez dans le film, mais ça c'est que mon avis. Ouais. Parce que j'adore cet acteur, mais c'est pas En plus, le Bridger, rôle aurait pu être intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais. Tom McCamus, et après, voilà. Donc, on va. Je sais pas qui c'est qui veut commencer pour parler de ce film. Personne. Le vide complet. Morgan, tu l'as vu en premier, je crois. Ouais, mais c'est celui qui s'en souvient le moins aussi. Donc, ouais. Peut-être. Eddie, peut-être qu'il commence. Eddie, il a le chic pour commencer des trucs et en général, j'ai envie d'intervenir pour. J'ai le chic pour commencer des trucs et pas les finir, c'est ça que tu voulais dire? Non, non, non, t'as le chic pour bien démarrer, faire une belle entrée en matière, voilà, mettre les points où il faut, les virgules là où il faut, le sens de la. Je me rattrape, hein. Et en général, j'ai envie de d'intervenir pour échanger de façon très courtoise et respectueuse avec toi. Courtoise. Oui. Courtoise, hein. Désolé, j'ai pas fait français en LV2. Ah bah ça, oui. Alors, t'es bête, hein. Tu vas comprendre la blague en fait. Il y a de l'ambiance. Ouais. Room, alors moi j'ai beaucoup aimé, mais beaucoup beaucoup parce que ça. Alors plutôt qu'il parlait d'un bon début là pour le coup, je trouve ça terrible. Non mais non, moi je pense sincèrement que ça va être dans mes films de l'année parce que bah, ça m'a touché quoi, tout simplement. Et puis parce que je trouve que en fait le film est très habile. On n'est pas, c'est pas juste un film sur la séquestration, ça va plus loin que ça. Et heureusement, bon ça on s'en doutait un peu quand même que ça irait plus loin que ça. Mais, de toute façon, c'est dévoilé à la bande-annonce, donc on spoil pas. Hein. Mais c'est surtout que le film aborde vraiment bien toutes les thématiques qu'il met en place. Et ça c'est en fait c'est que ça devient de plus en plus rare. Donc du coup, quand un film le fait bien, c'est toujours appréciable. Et moi franchement, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois des thématiques très intéressantes et tout un déploiement en fait de symbolisme autour. Ouais. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Bon, évidemment, ce qu'on repère tout de suite, c'est tout ce qui touche autour de la survie. Bon, ça, c'est normal. Et pas seulement le fait que voilà, ils soient rationnés, que leur nourriture leur soit délivrée comme ça. À une heure précise, etc., pendant qu'ils sont séquestrés. Là où j'ai vraiment vu beaucoup de symboles, en fait, c'est que déjà, pour moi, en fait, quand j'ai fini de voir le film, je me suis dit, mais finalement, en fait, le gamin, qui est très bien d'ailleurs, Jacob Tremblay est très bien, il vient finalement, la vraie naissance de l'enfant, elle se passe dès lors qu'il arrive à s'échapper, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment trouvé comme ça parce que, en fait, le monde, il le connaît pas. Lui, pour lui, le monde, c'est sa chambre. Mm-hmm. Et finalement, moi, je trouve que l'image de la chambre, ça nous renvoie aussi un peu à l'image du bébé dans le ventre de sa maman. Oui, oui, parce qu'après, il reste vraiment collé à sa mère. Enfin. C'est ça. C'est son seul lien au monde, en fait. Donc, en fait, t'as l'impression qu'ils sont. Tu as la mère et l'enfant qui sont tous les deux dans la chambre, et c'est vrai que cette chambre, ça fait un peu cocon, mais même si c'est froid, c'est un peu clos, ça reste une prison, mais il y a quelque chose de cocon, et qui fait que finalement, t'as l'impression que cet enfant, il a beau avoir 5 ans, il est toujours en gestation, quoi, dans le ventre de sa maman, et du coup, il vient au monde. Lorsqu'il parvient à s'échapper, quoi. Et j'ai trouvé que ça, c'était très bien amené, en fait. Et puis même par rapport à la chambre, c'est vrai que la chambre, quand ils sont durant la première partie, quand ils sont tous les deux en train de vivre dans cette pièce, moi je trouve que la chambre, elle fait grande. C'est con. Ouais, hein. Ouais. Alors qu'en fait, bon bah il y a dans dernier plan, le dernier plan. Après, c'est la mise en scène aussi qui fait ça. Oui, mais je trouve que c'est pas. Et ce qui est surprenant, c'est que d'habitude quand tu vois une pièce pleine d'objets et une pièce vide. évidemment, ça peut être une pièce, un 35 mètres carrés, tu vas le trouver plus grand lorsqu'il est vide, évidemment. Et là, en fait, la chambre, on la trouve plus grande quand elle est pleine d'objets et pas quand elle est vide. C'est ça qui est assez paradoxal. Oui, voilà, et pour moi, c'est pas innocent, c'est un effet de mise en scène, mais c'est pas innocent, c'est vraiment un parti pris voulu par le réalisateur, et je trouve qu'il l'amène vachement bien. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce film, je me permets de te couper, c'est que je trouve que dans les histoires comme ça, justement, de relations mère-enfant, qui peut être le truc le plus pathos du monde, surtout dans les films américains, on peut tomber dans le sentimentalisme un peu guimauve, c'est ça qui me faisait peur, parce que, bon, bah, Brie Larson est exceptionnelle, mais moi, ce que j'ai aimé dans le traitement des personnages, c'est que c'est pas la mère qui sauve son enfant, c'est l'inverse. C'est joué là-dessus et mais complètement. Ah bah, de toute façon, c'est enfin dans le dernier acte, c'est à plusieurs reprises dans le film, ouais. Et même dans la fin du premier acte, c'est cette scène, je l'ai vécue en apnée parce que je trouve que c'est une montée en suspense absolument incroyable. Moi j'ai vraiment vécu le film à fond parce que j'avais vu aucune bande annonce. Ouais, donc du coup, lors de la scène d'évasion, je me dis, mais c'est pas possible, il va rattraper le gamin et tout. Et j'avais le cœur serré et tout. Je dis, j'étais vraiment à fond dedans. Et quand j'ai vu qu'il le rattrapait pas. Et en plus, la scène, elle est extrêmement bien montée parce que c'est pas une scène qui est montée façon suspense avec une musique un peu. La musique, elle est joyeuse, quoi. C'est vraiment le plus angoissant, en fait. C'est très paradoxal dans ce que ça montre et dans ce que ça veut traduire. Et je trouve c'est habile, quoi. Mais ouais, c'est un peu comme le point de vue de Jacob Tremblay. Ouais, ça cache un peu ce qui est horrible. Comme quand elle le cache dans son armoire tous les soirs pour pas qu'elle voit, je sais plus comment il s'appelle, le méchant Nick. Je trouve que c'est même dans la mise en scène, même dans les musiques, c'est adoucir en fait la cruauté du. Pourtant c'est assez cru, hein. Enfin, en gros elle le cache dans l'armoire parce que va venir abuser d'elle, quoi. Hein, ouais, voilà. C'est violé. Ouais, bah c'est clairement ça, hein. Elle ne l'aime pas, donc. Ah bah non, on la comprend. bien sûr, heureusement. Moi franchement, j'ai été assez bluffé par le film. Je trouve le discours poignant et bien amené, il y a vraiment des bonnes choses. Puis après, en termes de réalisation, c'est vrai que c'est assez sobre, il n'y a pas d'élan. Ça fait du bien. Il n'y a pas d'élan onirique et tout, mais. Par le début, peut-être. Onirique, oui, mais c'est jamais niais. C'est ça qui est bien. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, voilà, surtout. Et comme on disait, là, toute la scène de l'évasion, elle est très. C'est super bien foutu, quoi. Mais tout fonctionne bien dans le film, parce que même la réaction des flics, les questions qu'elle lui pose et tout, tu sens qu'il y a vraiment un travail, en fait, de recherche antérieure au film, et pour que tout sonne vrai. Et finalement, moi, c'est ce qui m'a touché, c'est que. C'est une histoire qui évidemment est inspirée de faits réels, mais c'est terrifiant et beau à la fois parce que ça paraît très réaliste et je pense que la grande force du film elle est là, au-delà des symboles et des thématiques et tout, c'est que c'est un vrai film, c'est un film dramatique mais c'est un vrai film d'immersion en fait. Clairement. Moi ça m'a touché. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et le casting est très bien, Brie Larson. Brie Larson, comme le petit. Ouais, ouais. C'est vrai que le petit aurait parfois tendance à éclipser un peu Brie Larson, même si elle est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, il aurait mérité une nomination parce que quand tu vois que Cuban Zane Wallis qui était nominé pour Les Bêtes du Sud Sauvage, je vois pas pourquoi il a pas été nommé, quoi. Enfin, il aurait mérité l'Oscar. Moi, franchement, on lui aurait donné l'Oscar, j'aurais trouvé ça super bien. De toute façon, ça aurait pu être tout le monde, à part Leonardo DiCaprio, Morgan. Surtout Michael. Ah bah non, Jacob, non, désolé, les mecs. Là, c'est vrai. Je vais rebondir sur ce qu'elle dit. Le fait que. Enfin, ce qui m'a plu dans le film, c'est vraiment qu'on garde. On garde le point de vue de. Enfin, pour une grosse partie, on garde le point de vue du petit. Et même justement, les scènes les plus choquantes, moi je les ai pas ressenties. Alors effectivement, quand on y réfléchit, les scènes où Nick vient la voir pour abuser d'elle, moi j'étais tellement émotionnellement avec le petit que je partageais vraiment son côté un peu, je vais pas dire indifférent, mais disons que ça ne me choquait pas parce que j'étais tellement avec lui. Mais lui, ça ne le choque pas parce que le problème c'est qu'il ne connaît que ça. Donc, exactement. Lui, ça fait partie de son cycle quotidien, quoi. Et c'est extrêmement bien amené et c'est vrai que que voilà, c'est cette idée de nous faire ressentir que les émotions de l'enfant, ben, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que justement ça évite au film un côté indigeste, un côté, parce qu'on a effectivement deux points de vue, et d'ailleurs il faut aussi parler des personnages secondaires parce que même eux ils sont, enfin le personnage du père qui est joué par William H. Macy, il y a une scène, la scène du dîner, je l'ai trouvé. Elle est juste, elle est criante de vérité en plus. Hein. Je pense que ça pose des vraies encore questions. Encore une fois, William H. Macy est un horrible père. Pourquoi ? Référence à Shameless. Ouais, de toute façon, dans tous ces films, de toute façon, il joue souvent des personnages. Ah oui. Oui, mais, c'est vrai. Je voulais juste rebondir là-dessus. En fait, pour moi, la grande force de ce film, c'est la réalisation. Parce que l'intelligence de Lenny Abrahamson, c'est de se placer du point de vue de l'enfant. Je pense que, d'ailleurs, c'est adapté d'un bouquin, donc je pense que le bouquin, je ne l'ai pas lu, mais doit... Je savais même pas que c'était adapté d'un bouquin. Pour moi, ça prenait pied dans divers faits. Mais qui l'a écrit ce bouquin ? C'est elle ? Ah oui, non, si, bien sûr que si. Ben si, je le sais que c'est adapté d'un bouquin. Pourquoi je dis ça ? Si, je m'en rappelle maintenant. Oui. Donc c'est Emma Donoghue qui a fait le bouquin et qui a fait le scénario, qui l'a adapté elle-même. Ouais, elle a fait le scénario, ouais. Donc voilà, moi, pour moi, l'intelligence, c'est de se placer du point de vue de l'enfant et en fait que. La pièce, donc le room, comme il l'appelle tout au long du film. C'est la façon dont il le filme, c'est chaleureux, c'est il est heureux dans cette pièce, il est pas et quand il sort de cette pièce, c'est pas un spoiler hein, de toute façon, on voit en fait toute la violence, elle vient du monde extérieur avec les médias. Avec les lumières agressives dans l'hôpital, avec les questions sans cesse, les questions, voilà. Pour moi, en fait, toute la et le dîner justement, la violence familiale juste. Et c'est vraiment bizarre, mais les instants les plus agréables du film, c'est dans cette pièce, alors que c'est justement, ça devrait être le contraire. Je trouve que c'est très intelligent d'avoir fait ça, et ça pose de véritables questions en fait, parce que. Le fait que le petit ne sera jamais véritablement accommodé à la vie en extérieur, ou alors il faut vraiment faire beaucoup de travail, je pense, psychologiquement pour arriver à un résultat. Mais je trouve que le film est très intelligent sur ce côté. Et la scène où il s'échappe justement du tapis et pour sauter du camion. Moi, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure hein, et des frissons et qui me parcouraient tout le cours. C'est vraiment, le film est très très bien réalisé, très bien monté. Les acteurs sont exceptionnels. Voilà, Oscar mérité pour Brie Larson, hein, franchement. Ouais, et Oscar mérité. Ce sera aussi un de mes films de l'année. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que j'ai ressenti des émotions dans ce film que j'avais pas ressenti depuis très longtemps. Voilà. Oui, c'est assez viscéral. Donc, ouais, c'est viscéral. Mais c'est j'avais beau, pas ressenti vraiment... ce genre d'émotion depuis Gone Girl. Voilà, j'ai pensé à Gone Girl dans ce film. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que dans les. Ouais, en ressenti, ça me surprend pas. Ouais, ouais mais voilà. Donc, Et puis ce qui fait plaisir, c'est que le film fait quand même l'unanimité. Tous ceux qui le voient en disent bien, quoi. Ouais. C'est vraiment. Très beau. Très beau, très très beau. Donc on vous le conseille énormément. Quentin, t'avais quelque chose à rajouter ? Non, je pense que c'est pareil. C'est tellement. D'accord, ok. Voilà, donc on vous a parlé de Room, on vous le conseille tous, si vous pouvez le voir, je sais pas, je pense plus qu'il passe au cinéma, mais... Oh non, Il sortira sûrement en Blu-ray prochainement, Blu-ray DVD, donc voilà, je vous... Oui, franchement, on vous conseille de le regarder, parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc, et maintenant, on va passer à nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. À la rubrique coup de cœur, coup de gueule et découverte, et on va commencer avec un des gros films de ce mois-ci, donc c'est 10 Cloverfield Lane, et pour en parler, c'est Morgane, puisque, et Quentin, puisque... Mais que moi, non. Moi, je voulais absolument le voir, j'ai pas pu le voir, parce que mon cinéma ne l'a passé qu'une semaine, et je n'étais pas là pendant cette semaine, donc merci. Voilà. Donc Morgane, je te laisse la parole. Oui, alors Ten Cloverfield Lane, le fameux, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même le projet qui en a excité plus d'un, hein, parce que bah c'est rare aujourd'hui de faire des films, enfin de réaliser des films en étant aussi secret. Et Ten Cloverfield a été annoncé 2 mois avant sa sortie officielle, ce qui honnêtement est rien du tout, hein. Quand on voit qu'il y a des films qui sont teasés 3 ans avant. Ouais, c'est ça. Voilà. J'attendais énormément ce film et il a été au-delà de mes attentes. Alors, je vais éviter de spoiler ni d'aller... Je vais vraiment rester très évasif parce que, alors, même si je ne comprends pas en ce moment la Paramount qui, dans leurs affiches promotionnelles, spoil littéralement tout le film... Je ne regarderai pas. Ne regarde pas les affiches sur Twitter de Paramount parce que tu vas te faire spoiler, mais vraiment. D'accord, ok. Donc je vais resituer l'histoire, mais vraiment, encore une fois, en étant très évasif. Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Michelle, qui est jouée par Marie-Elisabeth Winstead, que j'aime depuis que j'ai vu ce film, qui se réveille dans une cave après un accident de voiture très fâcheux. Hein. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là, elle ne sait pas. Si elle se souvient un petit peu quand même, mais elle est recueillie, aidée, soignée par un homme qui s'appelle Howard, qui est joué par John Goodman, qui lui dit en gros que même si elle a l'impression d'être prisonnière, il ne faut pas qu'elle aille dehors parce que dehors c'est la cata. Voilà, je résume très grossièrement, ouais. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est un peu là l'intérêt du film, j'ai envie de dire. Parce que c'est un film qui ne joue que sur là-dessus, que sur l'anticipation de ce qu'on ne voit pas et de ce qu'on voit aussi. Donc il y a quand même un lien avec Room, j'ai envie de dire. Ça reste quand même une histoire d'une fille qui est séquestrée qui ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est un peu la même chose, sauf que Ten Cloverfield est encore meilleur que Room, j'ai envie de dire, si je dois comparer. Plus sérieusement. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que, j'ai envie de dire, ceux qui n'ont pas aimé le premier Cloverfield peuvent largement aller voir celui-là, parce que, alors, d'un côté, il y a un petit lien avec Cloverfield que je vais pas révéler non plus, parce que là aussi ça risque de spoiler, mais en même temps, ça s'en éloigne pas mal. Et je trouve que l'intelligence du film, c'est d'avoir pu faire un film qui, une suite ou spin-off, je sais même pas où le situer, qui à la fois garde des influences Cloverfield tout en s'éloignant clairement du premier film. Et c'est là vraiment toute l'intelligence du truc, parce que en termes de cinéma, en termes d'ambition, ça n'a strictement rien à voir. Là, on est vraiment dans un huis clos pur, un huis clos, j'ai envie de dire, un peu claustrophobique aussi, parce qu'on est quand même avec Marie-Elisabeth Winstead qui est enfermée, qui en gros se demande si son ravisseur ou son sauveur, justement, tout joue là-dessus. Est-ce que John Goodman ment ? Est-ce que c'est un psychopathe ? Est-ce que c'est un fou ? Est-ce qu'il dit la vérité ? Est-ce qu'à l'extérieur c'est vraiment l'apocalypse comme il le prétend ? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, etc. Et j'ai envie de dire que on sent bien que c'est J.J. Abrams qui est derrière le projet, pas la réalisation. Mm-hmm. C'est un certain. Oui, c'est le producteur. Dan Trachtenberg. Trachtenberg, voilà. Et ouais. Qui a écrit le scénario aussi avec Josh Campbell et un certain Damien Chazelle qui est le réalisateur de Whiplash. Donc ils sont 3 au scénario et ça se sent parce que le scénario est quand même foisonnant de mystères, de détails, de troubles aussi. Parce que c'est un film qui. Moi je l'ai vu 2 fois, la première fois pour la découverte, la deuxième fois pour un peu comprendre davantage, anticiper les choses et comprendre les liens éventuels avec Cloverfield. Mais je trouve que c'est vraiment intelligemment écrit, intelligemment amené. Et c'est surtout que là où j'ai retrouvé vraiment la patte de J.J. Abrams, c'est que ça m'a fait penser à Lost. Alors vous savez que j'adore Lost, mais dans Lost on a aussi une histoire de bunker avec dans la saison 2 avec Desmond qui vit dans un bunker, qui est persuadé qu'à l'extérieur... En gros, l'air est contaminé, etc. On retrouve vraiment ça, et ça joue sur un espèce de mystère qui grandit au fil des minutes, avec une tension, mais vraiment qui est, mais je crois, j'ai vraiment vécu le film parce que c'est éprouvant à regarder, parce qu'il y a ce lieu, ce huis clos, c'est un lieu extrêmement rassurant, parce qu'effectivement, nous, les seules informations qu'on a, c'est on est vraiment à hauteur, enfin au niveau des informations, on partage clairement le point de vue de cette Michelle qui, en gros, doute sur l'innocence ou la culpabilité de son de John Goodman, qui en plus est, enfin lui je le trouve absolument exceptionnel parce que lui il a quand même l'habitude de jouer des rôles de le bon gros géant coucou Steven. Et là pendant tout le film il a de temps en temps un regard, on a l'impression qu'il va l'étrangler. Ouais. Mais de temps en temps, enfin même et bien souvent, il a aussi un petit sourire, un côté vraiment rassurant. Et le film est extrêmement troublant. Ça ne joue que là-dessus, sur une espèce d'incertitude, sur aussi notre culpabilité, notre naïveté à croire ou pas ce qu'on nous dit. Parce ouais. qu'effectivement, ouais. c'est un peu aussi, c'est quoi le pire ? C'est, enfin, en gros, si je m'en vais de ce bunker, je fuis cet individu qui me fait peur. Mais en même temps, je sais pas ce que je vais trouver dehors. Et en fait. Le film, voilà, c'est ça pendant 1h40. Ouais, ça, c'est qui est vraiment le monstre, quoi. Enfin, Oui, puis est-ce qu'il y a un monstre dehors aussi ? Est-ce qu'il y a ça, vraiment. Hein. Parce que honnêtement, Ten Cloverfield Lane, c'est une adresse. Enfin, ça, on le sait. C'est ouais. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement troublant de le regarder, parce qu'on se dit, mais c'est quoi le lien avec Cloverfield si ce n'est le titre Cloverfield dans le titre ? Bon, à la fin, il y a quand même une grosse indication, je vais évidemment pas spoiler. La fin fait débat. Moi, je la trouve nécessaire parce qu'on ne pouvait pas rester sur un doute. Il fallait éventuellement un semblant de réponse. Et même à la fin, je trouve que on nous donne une piste, mais on nous donne jamais de réponse. Et là où je retrouve la patte de mon J.J. Abrams, que j'adore, y compris son Star Wars, j'ai envie de le dire, c'est que il nous donne des informations, il nous donne des indices, mais jamais il nous met tout sur table en disant. C'est comme ça, il se passe ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a eu ça. C'est vraiment épisodique, c'est monté comme une série télé. C'est très subtil. J'ai hâte de voir la suite, parce que, enfin, j'espère, hein, parce que s'il n'y a pas un troisième, je crois que je crie au scandale, parce que malheureusement, celui-là sera inutile. Enfin, ce sera frustrant, pas inutile, mais frustrant. On a besoin d'une suite. Cette fin qui fait débat, je trouve, est nécessaire parce qu'elle traduit, comment dire, l'épaisseur du. Enfin, pas l'épaisseur du personnage, mais la psychologie même du personnage de Mary-Elizabeth Winstead, qui est, j'ai envie de dire, une guerrière en devenir. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu. Une phase préparatoire. Je spoil pas, il y a un côté un peu. C'est une fille qui est fragile, et justement, ce séjour dans ce lieu clos va lui permettre de trouver une espèce de force physique et mentale pour pouvoir affronter John Goodman. Ou l'extérieur, je ne dis rien du tout, je ne vais rien révéler, mais il y a quand même des scènes qui, en matière de tension, dénotent du génie. Il y a une scène où il est question de bain d'acide, cette scène tétanisante. Et en matière de huis clos, c'est juste ce que j'ai vu de plus bluffant depuis un moment, parce que c'est un huis clos qui prend son temps, parce qu'on peut pas dire que c'est rythmé, oui, mais on va dire que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un peu plat, mais c'est justement ça le génie du film, c'est vraiment de pas trop en faire. Là aussi, comme Room, c'est sobre. C'est vraiment créer de la tension avec même les moments les plus joyeux. Il y a quand même le sentiment de danger qui est là, parce que il y a une ombre qui prend. Voilà, et on ne sait pas justement qui est le plus menaçant. Est-ce que John Goodman est un salaud, ou est-ce que c'est un salaud qui ment, etc. Ou est-ce que à la fin on a là aussi un semblant de réponse. Mais c'est tout à chacun de et là c'est pour ça que j'ai pensé à Lost, et J.J. Abrams est derrière, ça se voit. Et en termes de scénario, c'est juste parfait. Et l'immersion, quoi, je veux dire, moi j'ai vu ça, j'ai vécu vraiment là aussi en apnée, c'était. Ouais, question d'immersion, c'est fort. Ouais, c'est fort, quoi. Ils ont réussi quand même. On en sort vraiment épuisé, quoi. Épuisé, j'ai envie de dire excité, parce que le dernier plan du film. C'est une tuerie monumentale. Et je trouve que la fin prend vraiment tout son sens. Hein. La fin, elle est nécessaire, parce que, je trouve, je comprends très bien pourquoi les gens n'aiment pas la fin, pourquoi ils trouvent que la fin est en trop. Mais c'est pas juste parce qu'il fallait la faire, quoi. C'est vraiment parce que elle fallait la faire, évidemment, qu'elle allait la montrer cette fin. Mais elle a une utilité, quoi. Enfin, elle n'entache pas non plus ce qui est. Oui, pour le personnage. Ça montre une évolution et une espèce de. Enfin, on voit vraiment. Mais quelque part, ça m'a évoqué un peu Gravity. Ça m'a fait penser un peu à Gravity. On est dans un univers pour aller dans un autre. C'est comment. C'est un personnage qui est assez. Au départ, qui a ses propres. Ses propres démons, et comment elle va les affronter d'une manière. Enfin, voilà, c'est. Ouais, non, c'est vraiment. Oui, c'est ça. Okay. Et c'est voilà. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire le au niveau des acteurs, bon bah John Goodman, excellent, Marie-Elizabeth Winstead aussi. Mais je viens de voir sur Allociné que l'acteur qui joue donc le petit, oui parce qu'en Emmett. Fait si vous voulez, Emmett. Ouais. Non pas Emmett, l'acteur ben. Qui joue Ben, parce qu'en fait dans l'histoire Marie-Elizabeth Winstead fuit son ex. Elle fuit son ex qui est en gros là-bas un peu et il est pas facile, c'est pour ça qu'un accident se fait trop vite. Et c'est le mec, enfin, on l'entend qu'au téléphone et c'est Bradley Cooper. D'accord. Ah ouais. Ouais, je viens de voir faire l'audio après. Bah un caméo vocal parce que moi je le reconnais pas. En plus, je l'ai vu en VO. Moi je l'ai vu en VO, j'ai pas fait. Moi non plus, je connais pas. Pourtant, quand je vois les Gardiens de la Galaxie en VO, je veux dire, je reconnais bien la voix de Bradley Cooper, mais là. Je reconnais. Alors moi j'ai un défaut, c'est que je ne reconnais pas les voix des acteurs en américain. Je les reconnais pas. La voix de Rocket, je la reconnais quoi. Peut-être Rocket, hein, c'est vrai, je trouve, elle était en Rocket le raton laveur. Non, mais franchement, on ne mélange pas les univers comme ça. Là, c'est... franchement, c'est pour moi une belle réentrée en matière. Ce Cloverfield, franchement, le premier, c'est vraiment à part, quoi. Mais en même temps, il y a un petit lien pour ma part, et là, c'est l'interprétation, c'est vraiment libre à chacun. Libre, voilà, chacun y verra le lien qu'il veut. Moi, je trouve qu'il y en a un par rapport à des mots qu'on entend, par rapport à des petits indices qui sont semés à droite à gauche. Mais comme Lost, voilà, comme Lost, honnêtement, il y a un, pour moi, c'est des pièces de puzzle qui vont s'assembler au fur et à mesure. Et Lost, c'est ça en fait, hein, clairement. Et d'ailleurs, il y a une scène où ils font du puzzle où il manque des pièces. Bah, je trouve que cette scène, elle est asymbolise tout le film. C'est vraiment, ça change tout. Il le dit, il fait, ah bah non, c'est, il manque un œil, du coup, le dessin, enfin, le chat n'a pas la même tête. Et moi, je trouve que cette scène-là, qui est une scène totalement anecdotique, moi, je trouve qu'elle symbolise le film parce que c'est des pièces de puzzle qui sont assemblées. Mais là, le puzzle, même à la fin du film, il n'est pas complet. Donc, on peut pas, voilà. Et j'ai hâte parce que c'est, on retrouve vraiment une écriture de série télé, quoi. Là, c'est vraiment façon série télé. La fin, c'est épisode terminé, hop, rendez-vous après. Voilà. D'accord, c'est pas frustrant. Pas comme Walking Dead, dernier épisode de la saison 6. Pas de spoiler. Mais je regarde plus Walking Dead, j'ai regardé le dernier épisode. Franchement, la fin de la saison 6, c'est vraiment du foutage de gueule et prendre les fans pour des cons, mais passons. Là, franchement, il y a une finalité sur cette parenthèse là, mais une autre s'ouvre et je trouve que c'est vraiment bien amené et, en termes de huis clos, c'est juste. C'est monumental. D'accord. Bah, on va dire que. C'est enfin... quasi un chef-d'œuvre. Peut-être que. Peut-être que si c'était peut-être pas appelé Cloverfield, peut-être que j'aurais dit que c'était un chef-d'œuvre. Mais là, comme il y a quand même Cloverfield qui plane, je me dis, bon, en fait, il faut que je vois où est-ce qu'il s'inscrit par rapport au premier, et j'ai besoin du 3 pour être sûr. Donc, voilà. Sinon, okay, allez-y bon. Tous. Mais surtout, ne vous faites pas spoiler par. Sur Twitter, par Paramount, je sais pas ce qui leur passe par la tête. Voilà. Bon, tu vois comment ils ont vendu Terminator Genesis. Oui, mais bon. En même temps, on va pas parler de ce film. Parce qu'il y avait à vendre, certes, mais bon. Non, mais... Ouais, non, mais là, surtout Cloverfield, le but, c'est de savoir. Enfin, je veux dire, quand on voit la bande-annonce, on veut savoir ce qu'il y a. Même dans la bande-annonce, ils montrent juste une image. Vous savez, quand il y a John Goodman qui dit de pas ouvrir la porte, qui a peut-être un câble et tout. On voit juste la réaction sur son visage, on ne voit pas ce qu'elle voit. Et là, en gros, clairement, là, on voit quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi ils nous. Bah, heureusement qu'ils l'ont fait après la sortie, quoi. Parce que heureusement, ça aurait été frustrant. Ça aurait été horrible. Ok. Bon, bah voilà, il rattrape vite Axel. Ne suivez pas Paramount. Voilà. Ouais. De toute façon, mais Paramount, si vous m'écoutez, vous pouvez continuer à me follow parce qu'il me follow. Mais continuez à me follow, mais vous n'avez pas. Vous abusez, les gars. Arrêtez de spoiler quand même, c'est pas très gentil. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ce début d'année, hein, ça fonctionne bien pour les huis clos entre Hateful Eight, Room et celui-là maintenant. Voilà. Bon, Room, c'est pas vraiment. Mais je sais pas. Ouais. Bon, je sais. Il y a un troisième huis clos, c'est sûr. Ouais. Bon, voilà. On va passer maintenant à Divergente 3. Donc. Divergente 3. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Quentin, puisque c'est toi je pense. T'étais quand même entre nous quatre, t'es quand même le plus gros fan de Divergente, saga. Pas des films. Bah, disons que ben, j'aime l'univers, enfin j'aime l'univers, enfin les livres quoi. Mais après. Les films. Ouais, c'est... Les films sont nuls à chier, quoi. C'est bizarre. Donc voilà, tu vas pouvoir parler de Divergent 3. C'est vrai, je comment? Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah, d'accord, ok. Alors, il n'y a pas envie, hein. Non, si, j'ai envie, mais j'avais pas compris que c'était bon, j'avais pas compris l'enregistrement. Ah, fais chier, faut parler à Divergente, là. alors, en fait, bah, alors, bon, Divergente 3, c'est la suite directe de Divergente la Resurrection sortie l'année dernière. Mm-hmm. Donc, il y a moins d'un an d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment une des pires conneries de la production de cette saga, c'est de les faire, mais. Ouais, c'est industriel, hein. C'est hyper industriel comme rythme. C'est limite un peu. Ouais. En 11 mois, t'as un film, quoi. Enfin, c'est génial. Mais ils les ont pas tournés justement en même temps. Non, ils les ont pas tournés. Mais le truc, c'est que. Mais je comprends pas. Enfin, le film, c'est la première partie. Elle est même pas tournée en même temps que la deuxième. La deuxième, elle est même pas encore tournée. Enfin, mais... Ouais, alors qu'à la base. C'est du n'importe quoi, je veux dire. Enfin. Dire Twilight c'est de la grosse merde, mais au moins c'était tourné d'un coup, quoi, le dernier. Enfin, Hunger Games aussi, enfin c'est pas de la grosse merde, hein, je le défends, mais c'est vrai que c'est au moins. Mais c'était tourné en même temps, et Harry Potter aussi, quoi. Enfin, donc. Ouais. Bah là tu sens clairement que c'est pour le fric, quoi. Là, clairement. Donc voilà, j'y allais en espérant, enfin voilà, que ça remonterait la pente par rapport au deuxième qui était une grosse déception. C'était pas une bouse. Mais c'était une grosse déception et là on a atteint la bouse. En fait, ça m'a fait regretter le deuxième parce que franchement c'est long. Il y a à la rigueur la fin donc on peut en retenir, mais c'est très très long, 2 heures. Bon voilà pour ça. Ce qu'il y a à dire. Enfin le pire c'est que c'est sur. Enfin le ce qu'ils disent, ça tient même pas sur 50 pages dans le livre. Ça montre que c'est une sensation de c'est tiré sur une. Enfin c'est étalé sur une trop grande partie. Enfin, tu te demandes l'intérêt du truc, quoi. Enfin, même chez Inwood Lee, elle se fait chier, elle se dit bon, dis-moi, faut qu'on trace le chimie parce que. Elle regrette d'avoir signé, je pense. Ah oui, je pense que. Non, bah après, en même temps, je pense qu'elle est reconnaissante parce que ça lui a fait son nom valait. Enfin, en même temps, elle a eu le seul contraire, donc c'était une meilleure manière d'être reconnue. Mais après, voilà, bon, je pense que c'est quand même. Mais après, ouais, ça se voit qu'elle. Enfin, par contre, la grosse surprise, c'était Théo James. Alors, il était vraiment naze dans le 1 et le 2. Mais là, franchement, je l'ai trouvé. Il est encore plus naze. Non, je l'ai trouvé bien. Non, franchement, dans le troisième, j'ai trouvé bien. Ah ouais. Dans le troisième, je trouve qu'il montre qu'il sait tenir sur ses épaules un film d'action. Donc ça, j'ai trouvé son jeu est beaucoup évolué. C'est juste un peu le seul bon point du film pour moi. C'est vraiment. Oh, Naomi Watts, elle est bien. J'ai bien aimé Naomi Watts dans le film. Bah, elle a quelque chose à jouer, quoi, par rapport au deuxième. Alors dans le deuxième, oui, voilà, il y a plus de. Jeff Daniels, il est bien. Non, alors là non. Il est toujours bien, Jeff Daniel. Je pense. Ah non, faut pas déconner. Là, il faut le dire, c'est un méchant fatigue. Avant, t'avais Kate Winslet avant. Ouais. Mais Kate Winslet, elle était pas si géniale que ça. Elle était classe. Ah si, elle était vachement classe. Je trouvais qu'elle avait des bonnes punchlines. Elle ressemblait à Marine Le Pen, je trouve. Mais justement, elle était bien classe. Elle était plus. Ouais, mais je sais pas. C'est... D'ailleurs, preuve que Divergente, ça m'était totalement sorti de la tête parce que quand j'ai vu Divergente 3. Je me suis dit, mais allez où, Kate Winslet? En fait, je me souviens qu'elle meurt dans le 2 à la fin. Fait, ah, c'est un peu elle meurt. Attends, elle meurt. Oui, bon, on s'en fout déjà. Je m'en fous, j'ai pas. Mais voilà. Je pense et que. Et donc, il y a aussi, bah, ouais, c'est beaucoup de talent gâché en fait, parce qu'il y a quand même Octavia Spencer aussi qui est géniale et qui sert à rien. Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, elle est mignonne comme tout, voilà. Mais elle sert pas à grand chose non plus. La fille de Lénie. Mais alors, la question. Oui, c'est la. D'accord, le père Hunger Games, c'est dans Divergent. Ansel Elgort, c'est dommage parce que il est bon de base, c'est un bon acteur, il a rien à jouer encore une fois, alors que son personnage aurait pu être vachement intéressant justement, mais ils suivent tellement pas, ils veulent tellement mettre leurs pattes en fait, ils suivent tellement pas les livres. Enfin, je crois même que l'auteur, elle était pas trop chaude sur le deuxième, mais alors là, le troisième, elle a complètement. Pas reconnue, quoi. Enfin, elle a pas du tout vendu, enfin, elle a pas du tout partagé quoi que ce soit sur film. Enfin, même chez Inoulé, je crois qu'elle était vraiment en désaccord avec le réalisateur. Bah, déjà, c'est un peu tâche, c'est Robert Schoenke, donc c'est lui qui a fait RIPD. Brigade Fantôme, voilà. Et comment on peut encore lui confier des films? D'ailleurs, il a quitté le dernier, c'est une bonne nouvelle. Au moins, il change de réalisateur. Et il y avait des gros désaccords entre Shane Woodley et le réal, donc qui ne comprenaient pas elle aussi pourquoi il faisait des films comme ça à la chaîne. Enfin, il savait que. Déjà, en plus, ça marche même pas. Le troisième, il est en train de vider. La première partie, il est en train de vider. Ils sont obligés de faire le quatrième parce que voilà, c'est lancé. Ils vont pas faire seulement la première partie. Ouais. Et donc, ils vont perdre beaucoup d'argent, tout ça. Donc, c'est, ouais, c'est une catastrophe, ouais. Autant esthétique que scénaristique. Ouais. Donc, je sauve Théo James, c'est vraiment original. Et puis, ouais. Ok. Mais la question qui me brûle les lèvres, là, mais c'est, je suis impatient, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur, quoi? C'est... Oh, bah, il y a des gens pour... La médiocrité. J'imagine bien, mais... Il y a la terre brûlée, il y a la terre brûlée. Non, d'accord. Puis c'est surtout c'est dommage parce que ça coûte de la. Enfin, c'est, il y a du budget, c'est pas beau visuellement, c'est pas beau quoi. Exact. Non, mais même il y a aucune empathie. Enfin, il y a un moment un personnage de la bande de Triste qui meurt et ils sont censés être touchés par tout ça parce que c'est un personnage, enfin, voilà, qu'on a vu dans les autres films. Voilà, mais ça marche pas quoi. Il y a aucune émotion, il y a aucune empathie. Ça me fait penser à Hunger Games la dernière partie. Mais non, c'était bien. Hein. Oh. Et puis c'est surtout qu'on le voit venir ce personnage. Je rigole. Il va mourir. Bah, ça dépend duquel. C'est évident. Moi ouais, je m'en doutais, je me suis dit c'est la seule pas trop conne du groupe un peu sympa, je vais avoir avec laquelle. Ah ouais. J'ai dit ça 5 minutes après, bam. En plus la mort, enfin je veux dire, elle fait voilà, elle part et puis c'est bon, on s'en fout. Bah, en même temps, encore heureux qu'elle part vite parce qu'ils ont une bande de sbires à leur trousse. Moi dans ces cas-là, si un jour t'es avec moi et que tu meurs et qu'il y a des sbires qui me poursuivent, je serais obligé de te laisser sur le carreau et de m'en aller quand même. Hein. Je t'aime bien, mais horrible. Oui, mais je veux dire, bon, non, mais je veux dire, après, d'accord, mais il faut quand même avoir une réaction sur le visage, quoi. Enfin, faut pas te sourire après, juste après, deux secondes après, alors tu viens de perdre ta meilleure pote, quoi. Je sais pas. Elle est morte, partons. Mais c'est ça, partons, c'est exactement ça, quoi. Bon, le pire, c'est qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes à faire sur ce personnage. Dans le premier, t'apprenais que son frère était aussi divergent. Et qu'il était censé avoir été tué justement parce qu'il était divergent. Et dans celui-là, tu découvrais qu'en fait, eh ben non, il n'était pas mort, il était derrière le mur. Enfin bref, c'était ça, il y aurait peur des choses super. Enfin, c'est gâchis. Enfin, c'est ça, c'est du gâchis. Il y a un super potentiel, ils en font pas grand-chose. Le premier, ça va. Il y avait des longueurs, mais il y avait quand même. Le premier, il y avait des choses. Il y avait des bien. Ouais. Après. Eddie. Voilà. Tu veux donner ton avis? Oui, ça va être rapide. Hein. En fait, bon, Quentin, je pense que t'es déçu parce que du coup, t'as forcément plus d'attentes que moi aussi. Parce que t'as lu les bouquins et tout, donc c'est normal. Moi, je m'en fous en fait. Je m'en fous. De quoi? Je m'en fous que ça soit pas une adaptation au pied de la lettre. Non, c'est pas là. De toute façon, j'ai pas lu les bouquins, puis. Mais après, je trouve qu'en fait, les enjeux moraux et sociaux des films sont intéressants, qui sont pas trop mal amenés, et puis voilà, quoi, ça s'arrête là. Après, oui, évidemment, je préfère le premier au deuxième et au troisième, et je préfère du coup le deuxième au troisième, mais c'est vrai que, voilà, hormis ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, quoi. C'est que, bon, c'est une saga pour ados qui est pas non plus énorme. Mais moi, je suis désolé, mais je me fais moins chier devant Divergente que devant Hunger Games. Ah ouais? Ouais, complètement. T'as bien aimé pourtant la première partie de. Ah, j'ai jamais vu mettre 8 sur 10 en Divergente. Hein. Non, bien sûr. Mais parce qu'objectivement, c'est meilleur, je trouve. Hunger Games? Hunger Games, je trouve que c'est meilleur que Divergente. Bah, oui. Le deuxième et la troisième, ouais. Le 3.1. Sont meilleurs, les deux autres sont nuls à chier. Mais dis pas ça. Mais voilà. Mais après, c'est vrai que moi, personnellement, oui, Divergence. Le premier, je suis d'accord. Je sais pas, je trouve ça plus funky, c'est plus. Voilà, ils se bastonnent un peu plus, il y a plus. Enfin, c'est pas. Hunger Games, c'est que c'est ça reste quand même super sérieux, et Divergente, t'as moins ce côté très sérieux, quoi, qui est un peu gonflant, en fait. Et je trouve qu'il n'est pas toujours bien amené, en fait, dans ces films-là, destinés aux ados. Parce qu'en fait, on a l'impression que pour faire passer des morales un peu lourdes de sens, ils sont obligés de faire des trucs super sérieux. Et je trouvais que, justement, le premier Divergente arrivait à avoir un vrai postulat derrière et à garder, quand même, cette espèce de fraîcheur, comme ça. Et je trouvais que ça marchait bien. Puis voilà, dans celui-là, hormis tout ce qui est en jeu et puis les trucs, enfin la partie sociale du film, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, c'est assez bien amené, mais c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on a vu plein de fois. Après, ce qui m'a fait tiquer par contre, alors c'est la narration ultra répétitive, là tu sens vraiment que du coup c'est. Alors déjà, c'est l'intrigue hyper cliché, hein. Ça y a pas de problème, je suis complètement d'accord. Mais c'est, tu sens bien qu'en plus, voilà, c'est vraiment le film coupé en deux et que là, c'est la première partie, on n'a pas grand-chose à raconter. Donc du coup, on te raconte un peu la même chose deux, trois fois dans le film, mais de manière différente. Il n'y aura pas grand-chose à raconter dans la deuxième. Et bon, on imagine qu'il y aura de la baston dans la deuxième. Et du coup, oui, alors là où ça va pas du tout, c'est visuellement, ça... c'est moche. C'est... Enfin, vu le budget du film, je comprends pas comment on peut sortir ça. Pourtant, il y a des bonnes idées, hein. Visuellement, ils ont tenté des trucs qui pourraient points, bien ouais. fonctionner, mais c'est moche, quoi. On n'y croit pas. Enfin, c'est pas du tout tangible, en fait. Et c'est embêtant. Et puis, voilà. Et après, au niveau casting, bon, moi, Shailene Woodley, j'aime bien. Théo James, c'est vrai que c'est peut-être pas dans celui-là qu'il est le pire. C'est peut-être, oui, même... dans celui-là qui fait partie des mieux, enfin qui est dans une meilleure composition, je trouve. Après, bon bah Naomi Watts dans le deuxième, c'est vrai qu'elle avait pas grand-chose à jouer. Dans celui-là, elle a un petit peu plus de trucs, mais bon Naomi Watts, je trouve pas que ça soit quand même. Là, je trouve qu'elle est un petit peu en latence quand même dans sa carrière, mais c'est vrai qu'on est loin de Mulholland Drive et compagnie. Après récemment elle était dans Demolition là, que j'ai vu hier de Jean-Marc Vallée. Elle a joué dans Birdman, elle était très bien aussi. Ouais, c'est bien, bien. Mais c'est vrai qu'elle a du mal aujourd'hui, mais je pense malheureusement ouais. que c'est un peu elle est trop vieille. Bah voilà, c'est ça, c'est dommage. C'est le problème à Hollywood, hein. Et du coup, bah après ouais, bah le reste du casting quoi, Ansel Elgort, oui, pas de problème. Moi, Miles Taylor me gonfle un peu. Mais autant... je supporte pas cet acteur-là, je crois, en fait. Autant je le trouve très bien, c'est vrai, dans... Whiplash. Ouais. Par contre, c'est vrai que... Là, c'est sûr qu'il joue très bien le petit merdeux. Hein. C'est vrai qu'il est censé jouer un emmerdeur de première, mais du coup, il y arrive bien et ça en devient lassant, quoi. Bah, il surjoue un peu. Oui, mais bon, surjouer, c'est pas jouer. Donc donc du coup voilà, mais après non, moi j'ai pas détesté, mais c'est vrai que je trouve pas non plus que ça soit c'est pas si honteux que ça quoi. Si ça avait été une mauvaise ouais. adaptation, à la rigueur je m'en fous, enfin c'est même pas ça le problème, mais s'il y avait des choses aussi, enfin si c'était intelligent ouais. c'était des écarts intelligents avec le livre, ok, j'aurais compris quoi, ça m'aurait pas posé de problème, mais là bon enfin voilà quoi. Ça je peux pas te dire, de toute façon j'ai pas lu les bouquins. Mais d'autant plus, bon, après, d'autant voilà, plus chier. J'aime bien les, bon j'aime bien le premier, mais tu vois ça m'a jamais donné envie de lire pour autant ouais. la suite. Ou... Donc bon, non Divergente, oui, il serait temps que ça se finisse quoi. Il va être temps. Bon, enfin, après s'ils nous font le coup à la Hunger Games avec des préquels. Je pense pas, ça, c'est pas aussi fédérateur. Mais Hunger Games, je pense pas qu'il y aura des préquels. Parce que je pense que c'est vraiment, tu sais, quand ils sortent le dernier, bon, ils font les petites rumeurs comme quoi il y aura des préquels. Ils en parlent plus vraiment, quoi. Parce que c'est vrai qu'on en a entendu parler, ouais. quoi. Parce que quand tu vois le dernier, il a quand même pas eu les recettes des précédents, quoi. Ça a cartonné, mais c'était pas au niveau des autres. Ouais. Après, le dernier, il est sorti à une période, malheureusement, où il s'était passé des choses graves dans le monde, et c'est con, mais c'est vrai que ça a un peu. Ça influe. Ouais. Voilà, donc on va passer maintenant à Midnight Special. Morgan qui veut parler ou Quentin? Non, Quentin parce que il a. Bah, je peux présenter le film. Voilà, oui. Et puis Quentin, parce que moi je suis. Alors, bon, c'est le nouveau film de Jeff Nichols qui a eu un Café petit Mud, un petit Take Shelter. Café Mud, Take Shelter et objectivement son meilleur film c'est Mud. Objectivement, j'ai dit. J'ai dit que c'était Mud. Objectivement, il y a aucun lien avec le casting. Je préfère prévenir. Parce que Take Shelter, mais Mud m'avait surpris parce que bon, Take Shelter, c'est un peu le comment je pourrais qualifier ça sans être péjoratif ni insultant, alors que c'est pas du tout le cas parce que j'adore Jeff Nichols. C'est un peu l'exercice de style indépendant. Tu sais le petit film, le film fauché, chiant, quoi. Non, le petit film fauché mais bien réussi, tu vois ce que je veux dire. Il y avait un peu ça dans Take Shelter. Et Mud, c'était une très belle fable, voilà, très très bien joué. Les acteurs étaient parfaits dedans. Bon, ouais, il était un peu petit quand même. Hein. Non, mais oui, non, mais ça a rien à voir avec lui, je l'ai dit. Hein. Ouais, mais arrêtez, mais c'est quoi ce procès? Non, mais c'est vrai que franchement, ça. Le pire, c'est que personne ne dit rien. Mais ouais, c'est non, ça, mais je en procès. Je sens. Voilà. D'accord. Bref. Donc, Midnight Special était précédé d'une réputation. Arrêtez. C'était précédé d'une réputation un peu. lourde et plutôt qui me donnait envie, parce qu'on présentait quand même ce film comme étant un héritier, ou je dirais-je, fils spirituel de Steven Spielberg. Alors, le 35 000e. Oui, mais alors que bon, je vais reprendre, comment dire, un argument de quelqu'un qui était dans l'émission Le Cercle, qui a dit faut arrêter avec héritier, parce que héritier, bah, Spielberg n'est pas mort. Ouais, on peut dire fils spirituel, mais pas héritier. Surtout qu'il nous a pondu un super bon film l'année dernière. Bon, à et qu'il va sûrement nous pondre un super bon film cet été. Voilà, donc, voilà. Ouais. Il y a des. Enfin, il y a. Mais à chercher y a des pas héritiers, héritiers. Je trouve plus de personnes. Ouais, c'est, voilà, c'est ça. Mm. C'est... Donc, j'attendais beaucoup de films. Je me l'explique pas, mais clairement, ce film m'a ennuyé de la première à la dernière image. Donc c'est pas un argument en soi, effectivement, il y a des films, on s'ennuie, c'est comme ça et tout. Je reconnais évidemment les qualités esthétiques du film, je trouve le film magnifique à regarder, la scène d'avant le générique, juste avant l'apparition du titre, je la trouve absolument superbe, les acteurs sont excellents, mais à côté de ça, je trouvais que c'était une très belle machine, mais que c'était un peu sans âme, alors que justement, s'il faut justement le comparer à un film de Steven Spielberg... Steven Spielberg est un humaniste notoire, c'est un gars, chacun de ses films est nourri de son âme la plus pure et la plus... Voilà, que là, bah, dans Ménage spécial, je trouve qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion, c'est extrêmement transparent. Je vais pas prendre la peine de raconter l'histoire, fou, hein, vous verrez, vous voyez. Non, j'ai pas envie de le faire, voilà, je le dis. Mais j'étais extrêmement passif devant ce film, j'ai été pris d'un ennui diffus. J'étais pas énervé. Non, mais ça arrive, hein. Ça arrive complètement. Hein, mais je suis pas rentré dans le film du tout. Ouais. Alors, je pense que c'est moi, ma subjectivité la plus totale, qui fait que je suis pas rentré. Parce qu'effectivement, c'est pas un mauvais film. Je trouve qu'il y a énormément de qualité, il y a pas de problème. Et il y a des gens à côté qui trouvent que c'est un bel exercice, que c'est extrêmement beau, que c'est abouti. Et je vais pas les contredire, parce qu'ils ont sûrement raison. C'est moi, quoi. C'est la sensibilité, oui, c'est tout. Oui, voilà, je suis pas. Je trouve qu'émotionnellement, j'ai du mal après à voir où est l'émotion, même dans les dernières minutes. Moi, c'est vraiment dans les regards, quoi. C'est vraiment dans les silences que l'émotion faut arrêter de jouer par les regards, hein. Parler au bout d'un moment. C'est une question de sensibilité, tout simplement, je pense, quoi. Il n'y a pas besoin de paroles, et je trouve que ça se fait très bien à l'ambiance du film, au personnage. Il y a d'excellents films avec des non-dits, hein. Oui. Oui, et Gravity. C'est beaucoup de ça. C'est fait beaucoup de ça. Gravity, j'aurais pas de parler. Oh non. Gravity, j'aurais pas de parler, je rigole. Toi, justement, Morgan, qui a beaucoup aimé La Loi du Marché, le cinéma de Stéphane Brisé, c'est beaucoup de noms. Exactement. Ça passe beaucoup dans les regards. Oui, non, mais après, il y a pas de... Et même Mad Max Fury Road, hein, ça passe. Tout passe par le regard. Après, c'est peut-être les acteurs, Morgan, je sais pas. Alors, moi, j'ai pas vu le film, mais c'est peut-être les acteurs qui t'ont pas. Michael Shannon, pourtant, il est excellent. Kirsten, c'est meilleur rôle. Ouais, Kirsten Dunst, elle en fait un peu beaucoup. Ah, tu trouves? Par contre, celui qui m'a que j'ai trouvé, je me suis dit ah quand même, c'est Adam Driver. Je l'ai trouvé très bon. Et moi, qui avais énormément de réserves sur son interprétation de Kylo Ren, j'ai un peu revu ça à la baisse en me disant. À la hausse. En me disant non, c'est un acteur qui a quand même quelque chose. Mais évidemment. Il porte vraiment bien ses personnages et finalement Kylo Ren n'est peut-être pas le méchant un peu lisse que j'avais prétendu. Voilà. L'acteur qui joue Alton, donc le petit garçon qui s'appelle Jaden Lieberherr. Voilà. Enchanté. Lui est vraiment excellent. Mais de toute façon, Jeff Nichols, il a le chic pour bien, les jeunes talents. Il arrive à bien les exploiter, en fait. Et voilà. Mais après, les personnages sont plutôt bien écrits. Les acteurs sont bons. Il n'y a pas de problème. Visuellement, c'est magnifique. C'est riche. On sent que il y a des idées derrière. Mais je trouve que, moi, il me faut de l'émotion. C'est ça, hein. Oui, dans les 10 dernières minutes. D'ailleurs, il y a un ami qu'on connaît bien qui s'appelle Stéphane qui a dit les chefs-op de Tomorrowland veulent récupérer leur décor. C'est vrai qu'à la fin, on a un peu l'impression d'être devant un numéro 2. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas été porté par le film. C'est pas un mauvais film, ça m'a déçu. Mais si les gens, le film, de toute façon, il divise. Hein. Il y a ceux qui le trouvent décevant et ceux qui le trouvent génial. Il sera dans beaucoup de tops de l'année. Il sera pas dans mon flop, il sera pas dans mon top. Ça m'a déçu. Je suis pas rentré dedans. C'est tout. Ok. Voilà. Quentin, tu avais quelque chose un peu défendre le film, peut-être. Bah oui. Alors bah moi je. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que en fait, t'as dit toutes les qualités. Eh oui. Enfin... Et pour moi, c'est des. En fait, oui. Non, j'aime les films pour les choses que, enfin, pour les raisons que Morgane ouais. n'aime pas. Les aime pas. Ouais. C'est ça en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ces silences. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette ambiance. Enfin, c'est très poseur, très calme, très. Joel Edgerton, j'ai trouvé très bon. Alors qu'en général, je le trouve vraiment chiant. Enfin, je trouve qu'il est. J'aime pas beaucoup cet acteur. Il est insignifiant cet acteur, ouais, je trouve. Mais pas... dans ce film, ça va. Franchement, en fait, c'est un peu nous, Joel Edgerton, dans ce film. C'est voilà, comment on prend ce film. Enfin, on a un peu dépassé. Enfin, comment on serait à sa place, je veux dire. Enfin, on serait un peu dépassé par tout ça, quoi. Enfin, par le film. Par aussi. Ce jeune garçon qui a ses. Par ce jeune garçon qui a ses. Super pouvoir, voilà. Et ouais, non, j'ai trouvé ça vraiment bien. Au niveau de mise en scène, c'est super bien. Il y a des super. Enfin, avec les météorites, là, j'ai trouvé là, cette scène. Ouais, la scène dans la station service, elle est belle, ouais. Elle est super belle. L'introduction, j'ai trouvé magnifique. Avec la bande originale aussi, elle est super. Elle reste vraiment. Enfin, je l'ai eu pendant une semaine en tête. Mm-hmm. Non, ouais, j'ai vraiment bien aimé. D'accord, ok. Un petit coup de cœur. Ouais. Moi, je veux le voir. Mais... Je n'ai pas eu le temps. Ouais, faut vraiment regarder, faites votre avis parce que c'est vrai que c'est pas. C'est vrai que c'est difficile à aborder aussi. Parce que peut-être que je m'attendais pas à ça aussi. Hein. C'est vrai ouais. que. Et pour un film justement qui se vendait. Enfin, non, c'est même pas le film. C'est ça aussi le piège. C'est pas Jeff Nichols qui vend ça comme un héritier de Spielberg. C'est une critique de, je crois. Non, Jeff Nichols, ils vendent ce film comme la peur de la paternité, quoi. Enfin, il dit qu'il a fait ce film en fait. Oui, mais après il y a des thématiques. Et il venait juste d'avoir son bébé et c'est après, vraiment témoigner de cette peur-là, quoi. Enfin, Oui, mais après il y a des thématiques qui effectivement font écho à des choses qu'on a vues chez Spielberg, mais moi alors oui, parce vraiment, automatiquement là t'as un rapport au père, donc déjà un rapport c'est au très père. Présent dans le cinéma de Spielberg, c'est ça. Et après bon, si je dois voir un héritier mais un fils spirituel, un film qui je regarde super vite, ça me touche plus, il y a plus d'émotion, ça n'a rien à voir, mais bah, c'est y a clairement aussi... mais là c'est vrai que super vite fonctionne vraiment très bien aussi là-dessus, hein. Bah oui, parce que là pour le coup il y a des références sur l'image du père, vous voulez dire, oui puis les personnages simplement me touchent plus parce qu'effectivement ça va un peu plus vers la générosité émotionnelle, là c'est un petit peu froid et du coup j'ai du mal à rentrer dedans. Il y a un peu 3 heures, c'est vrai. Mais c'est trop froid et moi j'ai besoin. Alors bah, voilà, c'est, je disais avec c'est un peu, que c'est un peu comme White Bird, je me rappelle. White Bird, t'avais pas aimé parce que je trouvais ça trop froid, mais. Très très con surtout. Enfin, disons que les 6 dernières minutes. Non, j'ai grillé le twist très vite quand même. Hein. Je me doutais quand même de ce qui se tramait. Hein. Prends pas avec. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Non, et alors, quand tu revois, après, tu revois vraiment le film, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est pas con. Alors, sans spoiler, pour refaire une parenthèse, par rapport au père, oui, mais avec qui, je l'avais pas vu venir. Voilà, si vous recitez ma phrase. D'accord, ok. Ouais. J'avais compris par rapport au père, mais pas... J'étais ah oui, ça oui, mais... Ouais. Mais non, c'est, pour moi, c'est un très beau film, c'est vrai, mais c'est trop froid. Et c'est vrai que, bon, la critique qui a posté ça, et elle a le droit, chacun a le libre de penser ce qu'il veut... C'est vrai qu'ils vont peut-être un peu vite en besogne en parlant d'héritier de Spielberg. Bah après c'est leur critique et c'est la voilà, promo qui décide de mettre ça en gros sur la fiche. Bah oui, c'est vendeur aussi, c'est vrai. Mais c'est pas Jeff Nichols qui a dit. Jeff Nichols a assumé. Il a aucune. Enfin, je pense pas qu'il s'intéresse à la com. Enfin. Principalement. Non, même pas. Ça fait plaisir. Pas du tout. Ça fait plaisir. C'est un film très personnel. C'est un film très personnel. C'est vendeur, c'est comme ceux qui les stars de Twitter, quand tu leur dis que le film est bien, ils vont te retweeter. Tu leur dis que le film est mauvais, ils vont jamais retweeter. Bah non, c'est sûr. Ah ouais, si des fois, Morgan, ça t'arrive. Ouais, hein, quand il y avait Jamel Debbouze qui t'avait retweeté pour. Pourquoi j'ai. Alors, non, il avait retweeté le fait que j'avais vu le film, mais 20 minutes après, j'ai dit que je m'étais en allé sur le même tweet, il avait pas retweeté. Ouais, bah je pense pas. Je pense que là, non. Voilà. Mais bon, c'est un beau film, c'est vrai que là, je suis pas rentré dedans. Voilà, ouais. Donc faites-vous votre avis en le regardant. Oui. on va passer ensuite à du cinéma français, si je me trompe pas. Donc Five. Oh là là. Donc Quentin et Morgane l'ont vu. On a Morgane des bons français là au guichet du cinéma demander des places pour Fib. Fib, exactement. Ah, bah, ah mais j'en ai eu en plus, hein. J'en ai entendu dire ça. Ah, même, c'est... Une place pour Fib, s'il vous plaît. Fave, non c'était Fave. Fave. Ah oui, Fave, okay. Ah, bah oui, avec la... oui, ouais, le français qui essaie d'avoir un accent anglais. C'est d'accord. Comme Tom Cruise. Avec Terminé. Ok, donc. La prononciation, c'est Five. Morgane va commencer pour le présenter. Ouais, parce que j'aime moins que Quentin qui a adoré. Voilà, Quentin l'a voilà. Vu aussi. Ouais. Là, ouais, c'est, oui, c'est bizarre, c'est que je présente les films que Quentin adore et les films que j'aime moins. Ouais. Oula, j'ai déjà entendu ce bruit. Non, Five, donc c'est réalisé par Igor, aide-moi, Quentin. Gutzman, voilà. Donc, qui a scénarisé. Qui a scénarisé le nouveau qui était sorti l'année dernière. Ouais. Et... Ouais, que t'avais bien aimé. Ah bah c'était le film, ma comédie française préférée de l'année dernière, clairement. Donc c'est vrai que je l'attendais plutôt, hein, celui-là, parce que j'aime bien aussi les films de bande de potes, même si faut que je revoie Les Petits Mouchoirs quand même. Parce que... Moi j'adore Les Petits Mouchoirs. Il va falloir que je le revoie aussi parce que j'avais reproché un côté un peu pathos aussi, mais peut-être que... D'ailleurs j'avais vu avec Mathie, si elle nous écoute, voilà. J'avais vu avec elle au cinéma et... Voilà. Et elle trollait sur Marion, qu'elle appelait Marion la Morve. Je vous jure que c'est vrai. Bref. donc, on est dans un pur film de bande de potes, qui en plus annonçait, je trouve, un espèce de souffle de fraîcheur dans la comédie française. Et effectivement, il sort quand même une semaine avant Les Visiteurs 3, il sort après Les Tuches. Enfin, c'était vraiment la petite comédie française indépendante que j'attendais quand même, mais qui me faisait un peu peur parce que j'avais peur du film un peu. Vous savez, la bande de potes un peu bobo, tu vois. Et moi, j'ai un peu du mal avec les hipsters là, qui m'écoutent. Voilà. Malheureusement, j'ai un peu eu ça. Je trouve que le film est drôle. Il n'y a pas de problème. C'est plutôt bien écrit. Je trouve les acteurs excellents. Même si Pierre Niney, il est un peu hystérique. En même temps, c'est le personnage qui veut ça. Mais ouais. C'est vrai qu'il a tendance à être un peu... Je veux dire, quand il fait 15 yépas, c'est un peu... Je vais pas le refaire, mais c'est vrai qu'ils sont un peu... hystérique. D'accord. Maintenant, moi, là où j'ai pas trop aimé le film, c'est dans le propos. Alors, on a eu un vrai débat, un gros débat avec Quentin en privé après qu'il l'ait vu, parce qu'il a pas du tout vu la même chose que moi, mais moi, j'ai été choqué par le film. Je trouve que le propos du film, je le trouve à la limite de l'indigence, et un peu, même si un film n'est pas un discours, encore une fois, effectivement, je sépare vraiment ça, mais j'ai pris le film en tant que tel. J'ai un peu du mal à cautionner les réactions et la façon de penser des personnages. Moi, ça me dépasse. Je suis un peu comme Eddie quand il disait de Cake l'année dernière, enfin dans le podcast, qu'il avait du mal avec les personnages qui se plaignent. Bah moi aussi, parfois, il y a des choses... Ça me saoule, moi, ça. Il y a des choses qui, dans la vie, m'insupportent. Et les personnages de Five, honnêtement, représentent tout ce que je n'aime pas, humainement parlant et moralement parlant. C'est vraiment ce que j'aime pas. Le côté... vente de la drogue, moi je suis un principe là-dessus, c'est vrai, je vais pas faire le vieux réac, mais j'approuve rarement les personnes qui préfèrent vendre de la drogue plutôt que de chercher un travail, honnêtement. Voilà, ça c'est voilà, c'est et je trouve que Five fait dangereusement, je vais pas dire l'apologie, mais il excuse les réactions de ces personnages à travers une morale sur l'amitié qui est évidemment, mais attendu, parce qu'effectivement, l'amitié, c'est bien, youpi, embrassons-nous, on s'aime tous, il n'y a pas de problème, les amis, c'est formidable, c'est encore mieux que l'amour, je suis d'accord. Mais, je trouve que ça n'excuse pas tout. C'est pas parce que ton pote fait le con, c'est pas parce que c'est ton pote que tu peux pas lui dire, écoute, au bout d'un moment, ta drogue, tu la ranges, t'arrêtes, tu te lèves, tu vas travailler, enfin, mais à un moment, il le fait, le personnage de Batman le fait. D'ailleurs, il se barre parce qu'il défie la justice. Bah oui, après avoir fait des conneries, on n'assume même pas ses erreurs. Mais je fais pas allusion à ça. Je dis le personnage de Igor Grossman se barre, hein, parce qu'il est pas du tout d'accord avec. Oui, mais il revient. Oui, mais il revient et. Mais il revient pas pour l'aider. Hein, enfin, il... ouais, bah, vers la fin, quand même, on voit que. Enfin, à la fin, quand c'est réglé, bah, j'ai compris les. Enfin, moi, c'est pas réglé du tout. Pour moi, à la fin, c'est. On a fait des conneries, on a défié la justice, on a été les pires crapules du monde. Mais ils se sont rachetés, c'est un moyen de se racheter, je trouve. Pas du tout. Bah non, pas du tout, parce que si jamais il s'était racheté, la personne qui, et là je vais parler en code, la personne qui aurait dû être dans la voiture, ça aurait dû être terminé. Le rachat aurait été là, ça aurait été d'aller assumer ses erreurs, et moi je trouve que le film excuse trop son propos un peu dégueulasse, par justement une espèce de, d'ambiance sur la coulitude, l'amitié c'est bien et tout, et en plus il s'autorise quand même des blagues scato, qui sont franchement, un mec qui fait caca sur le paillasson, son voisin qu'il aime pas. Bon, au bout d'un moment, je veux dire, décrit comme ça, c'est pas drôle. Oui, non, mais quand... c'est bizarre. Évidemment, ça fait rire. Non, je veux dire que quand on dit c'est sorti de son contexte. Hein, j'ai pas vu le film, mais. Enfin, non, mais après, je veux dire, quand en matière de gag, je veux dire, quand on dit que, je sais pas moi, Cantouze dans un film de beauf et qu'on voit ça, je trouve que honnêtement, je préfère largement une vanne de Dubuzz dans Cantouze. Mais après, je t'embête hein, à ce niveau-là. Je sais, puis je te vise pas et je vise personne. Parce qu'en plus, tu m'en as déjà parlé. Sur Twitter, je m'étais fait insulter à l'époque où j'avais aimé Baby Sting 2, on m'avait dit que c'était un film pour les beaufs. Je veux bien, je préfère quand Eddie dit que c'est un film de beaufs, mais pas un film pour les beaufs. Voilà, Eddie, la différence elle est là. Moi on m'avait clairement dit que si je ris à ça, c'est que je cautionne. Oui, pour moi la boîte c'est un film de beaufs, pas un film de beaufs. Voilà, c'est ça. Mais après, compliqué c'est quand même. Ce qui est délicat c'est que du coup quand on dit que c'est un film de beaufs, automatiquement il est peut-être un peu pour les beaufs quand même. Oui, non, mais il y a pas. Non, après c'est. Je veux dire, il y a une espèce de. Après, l'humour est super subjectif. Hein, l'humour est. Ah oui, mais j'ai un humour à deux balles. Et ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Il y a des films un peu beauf que je trouve drôles, mais c'est juste que. Oui, et puis c'est ça vrai dépend que... aussi dans la condition, dans la qualité quand tu vois le film. Bah, c'est des fois, c'est le côté. Ah ouais, non, mais j'ai un humour à deux balles et vous le savez mieux que personne, mais c'est vrai que sur Twitter, pendant Baby Sitting 2, j'avais effectivement dit que le film avait fait mourir de rire parce qu'il s'autorisait des trucs un peu interdits, et on m'avait dit, ouais, c'est un truc de beauf, c'est un film pour les beaufs. En gros, tu m'insultes de beauf, et je m'étais un peu senti insulté, et ça, j'ai un peu du mal. Pour moi, Five, c'est un humour beaucoup plus, effectivement, intelligent, mais derrière, il y a un propos que je trouve un peu dérangeant. Je vais pas dire, indigent. Je fais pas un procès au film, mais moi, je l'ai ressenti comme tel, et j'ai tellement du mal avec ce genre de personnes dans ma vie, que, forcément, quand j'étais devant l'écran, je me dis, non, cette bande de potes, j'avais juste envie de les foutre. Des fous dans un paquet à la scène. Je les ai trouvés réalistes parce que c'est ce qu'on peut très bien voir. Hein. Mais moi je les fréquente pas ces gens-là. Hein. Tu vois, je veux dire. Non, c'est pas parce que j'en ris, je veux dire que je cautionne ce qui est montré dans le film, que je cautionne. Justement. C'est pas qu'il faut cautionner, c'est excuser. Moi je trouve que c'est. Le film ne cautionne pas, il excuse. Et la différence elle est là. Il excuse le fait que les personnages. Mais après, d'accord, peut-être. Mais après, ça, c'est aussi une question de ressenti au final, parce que dans le fond, si t'avais aimé, après, quand t'aimes un film, je veux dire, il y a des pourquoi on aime un film, enfin, quelque part, en fait, des fois, ça s'explique pas, en fait, il y a des choses qui s'expliquent même pas. Oui, c'est comme ceux qui me disent que, enfin, c'est comme quand j'ai entendu rire à Baby Sting 2, c'est cautionner les blagues homophobes et misogynes. Exactement, c'est vrai. Qu'il y a, moi, c'est vraiment, mais en même temps, tu dénonces Pattaya, donc, Exactement, ça, ouais. Parce que Pattaya, il y a une démarche, je trouve, un peu méchant. Que dans Baby Sitting 2, il y a autre chose à côté. Mais là, encore une fois, je pense que ça dépend aussi de la qualité des films, dans leurs intentions, dans leur réalisation, dans plein de choses font la différence, fondamentalement. Ouais. Après, Five, comme j'ai vraiment eu du mal, parce que j'ai quand même ri au film au début. La scène où Pierre Niney doit justement assumer son mensonge, parce que Pierre Niney, dans l'histoire, ment à son père pour qu'il lui donne de l'argent. Il fait croire qu'il fait des études de médecine. Il se retrouve à un dîner de famille, il y en a un qui fait une attaque, et on lui dit « mon fils est docteur », sauf que lui n'est pas docteur. Donc il va devoir réanimer un mec qui fait un malaise, alors que ça c'est drôle, parce que là justement, là j'ai ri, mais quand le côté un peu machin, drogue et compagnie se met en place, là j'ai été un peu dérangé. Par contre, mention spéciale pour un acteur que je trouve, on le voit pas assez, mais quand il est là dans un film, on le voit, c'est Pascal de Molon. Alors, peut-être que le nom vous dit rien. On l'a vu dans Elle l'adore. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est celui qui joue le flic dans Elle l'adore. Il joue Il a une moustache. Enfin bref, il ressemble un peu à Philippe. Il a rage d'ailleurs dans Five. Oui, il est. Alors, mais c'est vraiment le meilleur. Il est complètement barré. Il a joué dans Lulu Femme Nue aussi. Exactement. Je trouve que c'est un acteur vraiment, vraiment talentueux. Il a vraiment une drôlerie qui est juste évidente. Et c'est vraiment le meilleur personnage du film, et c'est vraiment lui. Enfin, il y a une scène, je trouve, c'est vraiment tout le génie de l'acteur est là. et enfin voilà la scène. Mais après les acteurs sont très bons, bon il y a un peu. Après donc voilà donc tu enfin on reconnaît quelque part la phase. Non mais j'ai au niveau de l'écriture, au niveau de l'écriture c'est quand même très. Il y a pas de problème, il y a pas de problème, c'est plutôt bien écrit et comme j'ai dit Igor Gottsman là il a fait le nouveau qui mais je préfère peut-être le côté plus innocent du nouveau. Pour moi, était un peu le meilleur de la comédie française l'année dernière. Là, je trouve que il y a du potentiel, mais le propos me dérange et ça m'empêche de voilà. Mais j'ai pas détesté. J'ai mis 2,5 sur 5, tu vois, c'est pas non plus pas horrible quoi. Je comprends qu'on l'aime. Non, ouais. Ouais. Parce que la morale en soi, elle est pas bête. Après, ouais, franchement, j'ai pas autant envie de voir un film français depuis. Voilà quoi, c'est vraiment, je le compte parmi maintenant mes comédies françaises préférées, vraiment. Non, mais c'est très bien. Après, sans dire que ça l'est, sans dire que c'est une des meilleures comédies françaises, à mes yeux, c'en est celui, enfin, ça l'est quoi, enfin, c'est vraiment. Et, non, mais de toute façon, tout est. Quand, voilà, tout est subjectif, même sur n'importe quel film qu'on aime, tout est subjectif. Moi, j'adore les Resident Evil, c'est objectivement, c'est pas bien, ça a rien à voir avec les jeux, mais je prends du plaisir devant ces films, je l'explique, oui et non, mais après, voilà. Après, par exemple, les personnages, je les trouve hyper pathétiques, enfin voilà, mais pourtant, je suis pas empêché de les trouver attachants, enfin, je me suis vraiment attaché à eux, quoi. Enfin, je trouve que la manière dont ils sont introduits, la manière dont on les présente, enfin, ouais, franchement, je me suis vraiment attaché à leur caractère, je peux citer leurs prénoms, enfin voilà, quoi. Alors qu'en général, ils sont français, mais c'est pas vraiment un stéréotypé quand même. Les films de personnages, quoi. Stéréotypé. Les personnages sont un peu clichés. Enfin, de base, enfin, présentés comme ça, oui, mais après, quand on apprend à les connaître, enfin, quand on. Oui. À mesure que le film évolue, franchement, il y a des. Après, je me fais l'avocat du diable. C'est cliché, mais en même temps, dans une troupe d'amis, on est tous un peu clichés. Hein, quand tu regardes bien. Chacun a sa fonction bien prédéfinie. T'as le rigolo, t'as le dépressif, t'as un peu de tout, quoi. Dire, moi, dans une bande d'amis, moi, je suis. Non, mais c'est vrai, hein, moi, tu me mets dans une bande d'amis, moi, je suis le petit gros qui fait rire la galerie. Donc, au bout d'un moment, bon, voilà. C'est. Galère en amour. Mais non mais voilà chacun même dans la mais c'est ce que ça dit sur l'amitié c'est plutôt touchant mais ça n'excuse ça a du moi je trouve que cette morale sur l'amitié aussi vraie soit-elle et aussi touchante soit-elle dans un autre film dans un autre contexte je trouve que ça aurait pris et justement j'ai envie de revoir les petits mouchoirs parce que malgré le dernier quart d'heure très pathos les petits mouchoirs il y avait un propos sur l'amitié qui était je pense beaucoup plus touchant et ça collait peut-être mieux au film. Là, j'avais un peu du mal. Là, c'est un peu le côté, on va quand même dire du bien sur l'amitié, c'est mieux que la vie, c'est mieux que la vie. C'est très franchement c'est bon. Mais débat, je doute qu'Igor Westman ait voulu dire la drogue c'est bien. Non, j'ai pas dit ça. Je sais, mais par rapport à un débat, je me dis, c'est vraiment, c'est pas ça quoi. Je me dis. Non, il a pas dit ça. À quel moment tu dis je vais faire un film tout ça, tu vois. Non, c'est pas qu'il a dit que c'est bien. C'est qu'il excuse trop facilement. Je trouve les personnages là, ouais, voilà, ouais, ils leur donnent pas assez de responsabilité et ça me dérange. Ouais. Moi j'aime bien quand on. Mais après je trouve que c'est dans le sens des personnages quoi, ça va dans le sens de comment ils sont quoi, enfin la manière dont ils fuient depuis le début. Après ça a du potentiel. Après c'est pas les meilleurs personnages quoi, c'est pas des personnages adorables, c'est pas des personnages géniaux, c'est pas des personnages plein de. Enfin, ils ont leur côté détestable. Je peux comprendre aussi qu'on l'aime pas comme. Je les aime moins, je sais pas, non c'est pas que j'aime pas, c'est que enfin voilà, c'est. Je suis sorti un peu mitigé. Bon, j'ai ri, mais c'est amer, quoi. Voilà. Mmh. D'accord. Quentin, tu as quelque chose à rajouter? Non. D'accord, ok. Comme Ménage spécial, il aime pour les raisons que je n'aime pas. Oui, voilà. Et non, donc, c'est vrai. Bon, on va continuer dans les. C'est une comédie? Je sais plus maintenant. Quand on a 17 ans, donc. Ah non, non, c'est pas une comédie, pardon. Ah non, on est dans un pur film dramatique. Je suis désolé, je connais pas le film. On est dans un pur film dramatique. Voilà, de Made in France. Hein. Donc, je vais vous parler de Quand on a 17 ans, le nouveau film d'André Téchiné. Alors, je vais faire une petite confidence. J'ai jamais vu un film de ce réalisateur-là, ni Les Roseaux Sauvages, ni Les Témoins. Et ce film m'a donné vraiment envie de découvrir parce que son cinéma, en tout cas ce film-là, il y a une espèce de grâce, une espèce de sincérité dans ce qu'il traite et d'authenticité dans la manière dont il traite des sentiments humains. Et il parle des sentiments quand on a 17 ans, donc quand on est jeune. Mmh. Donc c'est l'histoire de Damien qui a 17 ans, qui vit avec sa mère, qui est médecin, donc, qui est jouée par Sandrine Kiberlin. Donc ils vivent dans un village de Haute-Savoie, enfin dans une zone de où il y a de la neige, la montagne, etc. Tous les jours, il est tourmenté à l'école par un certain Thomas, qu'ils ne peuvent pas supporter, ils se tapent dessus, ils se regardent méchamment, enfin... une espèce de haine qui s'installe entre eux Et un jour, ce Thomas va venir vivre chez lui à cause d'un problème familial, sans que sa mère, justement, Henri Tiberlin, ne sache la relation entre eux. Mmh. Et ils vont devoir vivre ensemble malgré leur haine. Et finalement, ça, ça c'est dit dans les, c'est un peu dit dans les promos, etc. Cette haine du début va laisser place à un espèce de trouble qui amènera à du désir, voire de la passion amoureuse. Mais oui, tout mais ça, ça, en même temps, oui, ça paraît tout ça, c'est dans un non-dit et total. Ouais. Là encore une fois, enfin, un non-dit, bon, pendant une bonne partie du film. Alors moi, j'étais allé voir le film vraiment très vierge de tout ça. J'avais juste lu le synopsis, et dans le synopsis mm-hmm. sur Allociné, c'est mentionné nulle part. Ouais. Et pendant le film, j'ai été épaté par une espèce de trouble que le film me faisait ressentir. Là aussi, tout passe par le regard, et je trouve d'ailleurs que les acteurs le portent magnifiquement. D'ailleurs, Sandrine Kiberlin mériterait un deuxième César pour ce film, parce que c'est quand même pour moi une des meilleures actrices qu'on a en France. D'accord. Enfin, en tout cas, en ce moment, elle peut tout jouer. Elle peut, enfin, que ce soit le rôle de la dans dans Encore heureux là, qui est sorti en janvier, je l'ai trouvé juste génial. Elle était drôle, fraîche. Là, elle joue le rôle d'une mère fragile qui va être tourmentée par des aléas de la vie et des choses plus graves que d'autres. Et je trouve qu'elle le, elle a un jeu, mais d'une justesse. Mais vraiment, cette actrice, elle est parfaite. Mais les deux jeunes acteurs, donc qui sont les deux personnages qui sont respectivement joués par Casey Motet Klein et Corentin Fila, qui sont tous les deux des acteurs. Alors Casey Motet, on l'a vu dans Gainsbourg, Viroi qui jouait Gainsbourg plus jeune. D'ailleurs, ça se voit, il a les mêmes oreilles. et Corentin Fila, c'est un jeune premier, un jeune débutant qui voilà, c'est son tout premier rôle, il me semble. Et vraiment, ils sont épatants et très prometteurs. Et je trouve qu'ils arrivent à porter vraiment toute la le trouble, parce que c'est un film qui pose des questions là aussi très intelligentes sur la recherche de l'identité sexuelle. Mais c'est un film en plus qui est, que j'ai trouvé ça troublant pour moi, qui en plus est plus ou moins concerné par le sujet. À aucun moment le film ne dit le mot gay ou homosexualité, et je trouve que du début à la fin il y a une espèce de trouble qui s'installe sur, parce qu'effectivement quand on est jeune, la recherche de l'identité sexuelle, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et c'est comment les personnages vont devoir, parce qu'en fait, on ne sait pas si les deux personnages partagent la même, les mêmes sentiments. Parfois, on est tenté de dire que oui, parfois, on est tenté de dire que non. Et en fait, le film, de la première, on va dire, à la dernière image, il crée un espèce de doute. Même si on attend évidemment une scène explicite, est-ce qu'elle arrive ou pas, je vais pas vous spoiler, mais je trouve qu'il arrive quand même à laisser planer un doute et à poser des questions très très subtiles par des dialogues non moins subtils. Par exemple, il y a une scène que je trouve mais absolument dingue où l'un des deux dit il faut que je sache si je suis homosexuel ou si je suis amoureux de toi. Et je trouve que tout passe par là. C'est que même quand on a un doute sur sa sexualité en voyant une personne, bah l'intelligence d'André Téchiné, c'est de dire, c'est pas parce que tu aimes une personne du même sexe que toi à un moment de ta vie que tu es homosexuel. Mmh. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti avec les garçons Guillaume à table. Là, c'était plus explicite parce que là, c'était clairement gagné. Donc, ça, au-delà de ça, ça touche carrément au genre, alors. Ça touche, exactement. Et je trouve qu'il le fait, mais. Et ça, oh bah ça, c'est ça bien, aurait... bah ça fera encore un film de plus à promouvoir pour interdire. Parce que il est, enfin oui, il y a quand même. Comme c'est pas dit explicitement, je pense que. Ils ont eu la peau de la vie d'Adèle, hein, donc tu sais. Mais la vie d'Adèle, ça affichait clairement, tu vois, alors que là, c'est plus implicite, donc on verra bien. Bah, c'est surtout que c'est quand même en matière, c'est pas un film, alors c'est pas péjoratif, au contraire. Hein. Ceux qui me connaissent savent que jamais je se sens mal. C'est pas un film LGBT, c'est pas un film qui clairement dit c'est un film sur l'homosexualité. C'est un film sur les sentiments quand t'es ado et tout passe par là. Donc effectivement, le trouble quand tu vois, enfin, parce que rien ne dit, parce que les personnages sont présentés comme étant asexués. Justement, il y a une scène, il y a Kiberlin qui demande à son fils, c'est lui qui est amoureux de, qui est pris d'amour pour ce garçon là, mais elle lui demande, mais est-ce qu'il a une copine? Il lui dit non, il a pas de copine, il s'intéresse à personne. Et je trouve que voilà, tous les dialogues sont extrêmement fins et ça pose, je trouve, des questions qui sont concrètes. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à affirmer leur sexualité et ont même du mal à l'époque où on vit. Puis même évidemment, au-delà de ça, c'est que aujourd'hui, tu es obligé d'être dans des cases. Exactement. Et si là, on te demande à qui tu t'intéresses, est-ce que tu as quelqu'un. En gros, faut que tu aies quelqu'un, faut que tu t'intéresses à tel truc, pour que les gens inconsciemment puissent te définir comme voilà. Je pense que c'est rassurant en fait aux yeux de l'être humain de pouvoir être classé dans des cases. Et le personnage de Sandrine Kiberlin fait un peu la transition. Pas la transition, mais elle porte justement pas les préjugés, mais ce côté mettre dans les cases, elle contrebalance tout ça en fait. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui me faisait un peu peur, parce qu'il y a forcément une scène, bon là, le mini spoiler, il y a une scène effectivement de révélation, mais la façon dont le personnage révèle à sa mère il révèle pas qu'il est gay. Elle lui dit, mais pourquoi, à un moment, elle lui dit, mais pourquoi il t'a frappé? Il lui dit pas, je suis gay, il a dit, j'ai tenté de l'embrasser. Mmh. Et là, la scène s'arrête. Elle lui, à aucun moment, elle se dit, mais t'es gay? Non. Elle a dit, ok. Et c'est ça, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de films qui, La vie d'Adèle, pour le coup, oui, c'est une histoire d'hétéro converti, j'ai envie de dire. Mais là, pas du tout. La vie d'Adèle, c'est une histoire d'amour, hein. Ça va au-delà, même, je trouve. Oui, mais il y a un peu un côté, à la base, elle est hétéro, mais ensuite, elle va découvrir les sentiments. À la base, elle est en pleine recherche, Adèle, dans le film. Ouais. Elle sait pas trop. Ouais, enfin, je trouve au départ, hein. Ouais, c'est pas, mais. Preuve, elle essaye avec une autre fille, hein, au début. Ah bon? Elle est avec un. Elle va être quelques temps avec un garçon, puis après. Elle se fait aborder par une autre fille. Ouais. Oui. Oui, mais elle essaye quand même de recommencer, hein. La vie d'Adèle, c'était plus. Là, pour le coup, c'était beaucoup plus explicite que là, c'est très pudique, j'ai envie de dire. Même si les personnages, parfois, dans le toucher, et je trouve que toute cette pudeur qui émane durant tout le film, ça amène une espèce de sensualité que je trouve. Oui, faut pas que le pervers y aille pour voir des parties de jambes en l'air, quoi. C'est pas le but du film. La vie d'Adèle, c'était ça, hein. Ah oui, non, oui. Quand ils ont su qu'il y avait des scènes de sexe un peu explicites, enfin un peu beaucoup même, mais tout de suite. Ouais, ouais. Non, bah, là, c'est vraiment une espèce de sensualité qui est divine à regarder, quoi. C'est un beau film, les personnages sont beaux, et d'ailleurs, la co-scénariste, c'est Céline Sciamma, et ça se voit. C'est elle qui a écrit Tomboy, qui a écrit Bande de filles. Alors que moi, Céline Sciamma, ça... Je suis pas fan de Tomboy, mais j'avais bien. Bande de filles était pas mal, mais tu sens que c'est elle, parce que elle a une façon très vraie de parler d'adolescence, et on sent qu'elle a le côté justement sur les sentiments amoureux, les premiers émois amoureux. Je trouve que ça se voit, parce qu'elle les traite quand même vachement bien. Et là aussi, dans Tomboy, il y avait un peu ce côté ne pas mettre dans le côté transgenre, un côté une fille, garçon, on sait pas. Je trouvais que ça le. Et là, c'est pareil. À aucun moment, le personnage dit je suis gay. Non, c'est pas je suis gay, je suis amoureux de toi. La différence, elle est là. Et rien que ça joue que là-dessus. Et je trouve le film épatant. C'est magnifiquement joué, c'est pour moi un coup de cœur. Je pense que c'est pour l'instant. Pour l'instant, c'est mon film français préféré d'année. Je pense qu'il va y rester. Il sera dans mon top, c'est clair. Et je le recommande. C'est pas les visiteurs. Il est juste derrière. Disons que dans les visiteurs. Il est juste derrière les visiteurs. Il est loin, loin, loin derrière. Alors. Ouais. Disons, il y aura il a pas dit la place. Encore. Dans les visiteurs. il est premier, il est premier aussi, mais dans un autre. Voilà. Premier dans le dernier, en partant de la fin. Voilà, c'est ça. Tu as tout dit. Ouais. Ah, okay, oui, j'ai tout dit. Enfin, j'ai eu du mal, désolé, mais bon. C'était très bien, c'était très bien. Ah, on a vu. On a entendu surtout. Non, c'était très bien. franchement, j'avais pas entendu parler du film. J'avais juste vu l'affiche. Vous allez l'aimer parce que c'est voilà. Et il y a Sandrine Kiberlin. Mais moi il est dans ma checklist sur Sens Critique maintenant. On a eu le même réflexe sur Sens Critique. Et Quentin, rien. Quentin, il a pas réagi. Non, mais Quentin, de toute façon. Ah ouais? T'as pas réagi. De quoi à quoi? T'as pas dit oui, Morgan, j'ai envie de le voir maintenant. Bah si, j'ai dit, ça donne envie. Ah, si, si, d'accord. Si, il a dit. De toute façon, on m'écoute jamais. En même temps, tu parles pas fort. Bon. Sinon, ça donne vraiment envie, ça a l'air très très bien, tu l'as très bien compris. Je suis vraiment d'accord en plus sur ce que vous dites. C'est vraiment, c'est la société qui ne peut pas s'empêcher de mettre les gens dans des cases. C'est limite stressant, moi personnellement ça m'angoisse quoi. Et c'est ça qui est bien dans le film, c'est que même le personnage de Sandrine Kiberlain à aucun moment, elle a une façon de penser qui est très paréaque. Quand son fils lui dit j'ai tenté de l'embrasser, elle a forcément la réaction un peu genre bon. Mais elle est surprise automatiquement. Oui, oui, mais elle est surprise, mais. Je vais pas dire elle s'en fout, mais il y a un côté un peu, bah écoute, ok, d'accord, mais t'es jeune, enfin fais ta vie. Et il y a pas un côté, mon fils est gay, elle lui-même le dit pas. Et voilà, c'est, oui, c'est tu ça. Tombes pas sur le fameux cliché de la mère. Mais qu'est-ce que j'ai mal fait, machin, machin. Bah non, mais ça c'est. C'est pas Noémie Lovski dans la belle saison quoi, qui était géniale. Ouais. Mais elle, pour le coup, il y a le côté démon, Satan, ah, sort de chez moi, etc. Oui. Non, mais Kiberlain, voilà, elle c'est est. C'est pas Bobby seul contre tous. Oh mon dieu. mon dieu, tant pas de malheur. Non, ça c'est subtil, extrêmement pudique, et la sensualité, c'est beau quoi, il y a un côté, et d'ailleurs paradoxalement le film se passe à la montagne, mais une espèce de chaleur, cette chaleur des sentiments, chaleur des corps, c'est ce désir de l'autre, les secrets inavoués, le désir inavoué, le... Même, et puis c'est même, y a même pas un côté interdit parce que il vit pas dans un cadre où l'homosexualité est mal vue. C'est juste lui-même, il sait pas où il est quoi. Il se dit je suis gay, d'accord. Je suis juste amoureux de lui, je sais pas. Et voilà, c'est subtilement amené. C'est ça qui est beau. D'accord. Donc allez voir le film de André Téchiné. Ok. Bon. Alors moi je vais juste rapidement parler, j'aurai deux coups de cœur pendant cette rubrique, ce sera assez rapide. Mais c'est je voulais curieux quand même de parler d'un film sur l'homosexualité et d'enchaîner sur un film biblique. C'est, et surtout, et après on va enchaîner sur Batman vs Superman qui est aussi un film d'homosexualité. Bon. Donc voilà, moi je voulais juste rapidement placer deux coups de cœur dans cette rubrique parce que voilà, pendant ce mois-ci, j'ai vu un film d'animation qui m'a vraiment scotché, donc c'est Le Prince d'Égypte, ça s'appelle. Sur mes bons conseils. Je voulais le voir depuis très longtemps, mais. Bon, d'accord. Non, mais je me rappelle vexé pas d'un coup. Tu m'en avais parlé. Tu m'en avais parlé. Ah, mais je suis vexé. Tu m'en avais parlé, je sais plus maintenant si. Et oui, t'avais dû me dire que tu voulais le voir et je t'avais dit oui, tu peux, vas-y. D'accord. Mais de toute façon, en fait, c'est ce que. Comme je m'étais imposé un défi l'année dernière, c'était de voir tous les Disney animés. Sauf que c'est pas un Disney celui-là. Oui, non, mais attends. Attends, 5 secondes, laisse-moi parler. Voilà. Mais c'est pas un Disney celui-là. Oui, c'est un DreamWorks, tu préfères que je dise DreamWorks. Donc, l'année dernière, je me suis lancé un défi de voir tous les Disney animés. Ah, et là, tu veux voir tous les DreamWorks. Voilà. T'as voulu voir tous les Disney et là tu veux voir tous les autres. Non, alors le côté obscur. Non, parce qu'il y a Disney, il y a les autres. Non, parce que franchement, DreamWorks fait des super bons films. Et, oui, non, mais j'adore moi DreamWorks. Voilà, j'ai quasiment fini tous les Disney, j'en ai vu plus de 60 et voilà, donc et maintenant j'ai commencé avec DreamWorks, donc je les refais tous là, je suis arrivé à Madagascar, donc je fais dans l'ordre chronologique, donc j'ai fait. Oh mon dieu, désolé. Ouais, mais dis-toi qu'à un moment tu vas arriver à Dragon et là ça va être formidable. Voilà, c'est ça. Le 1. On attend. Oh, le 2 aussi. Bon. Bon, les. bon. Mais arrêtez de dire que Dragon 2 il est pas bien. Il est... Non, il est bien, monsieur. Il est peut-être bien, un peu en dessous du 1, mais il est quand même vachement bien. Le 2. Il est super bien, je suis d'accord. Pour une suite, ça aurait pu être vachement moins bien que ça. Je suis d'accord avec Izzy. Alors, il a raison. Je voulais parler du Prince d'Égypte. Oui, nous t'en prions. Donc c'est un film réalisé par Brenda Chapman, Steve Hickner et Simon Wells qui est sorti en 98 en France et aux États-Unis. Donc c'est un film qui est biblique, donc qui parle de l'histoire de Moïse. Donc moi maintenant il faut que je dise ça sans choquer personne, alors ça va être dur. Mais je m'en fiche un peu de la religion pour être un peu gentil. Voilà, je m'en fiche un peu, mais je trouve que les histoires qui sont racontées sont très intéressantes. très intéressant. Voilà. Pareil comme toi. Voilà. Donc, l'histoire de Moïse, je la connaissais à travers 2-3 films, peut-être Les Simpsons, ils en avaient fait une parodie, etc. Mais les 10 commandements, les 10 commandements, la comédie musicale. Oui, bien sûr. Exactement. voilà. Donc, mais je connaissais pas tous les détails, etc. J'ai voulu voir ce film et j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est une petite pépite d'animation, que ce soit au niveau des décors, des designs des personnages, etc. C'est super toute travaillé. L'ouverture du film, c'est quelque chose. Pour moi, le gros point fort du film, c'est les musiques et les chansons. Et pour une fois, enfin moi j'aime beaucoup les chansons dans les films d'animation, bon, ça dépend de certaines, hein. Il y en a certaines qui sortent un peu des oreilles, mais je dirais pas lesquelles. Pour une fois, j'ai trouvé que la musique d'accompagnement et les chansons s'accordaient parfaitement pour faire un truc vraiment super beau. J'ai vu le film en VO. Parce que je regarde les films dans leur version originale principalement, donc même les dessins animés, je sais que c'est un peu bizarre parfois, mais moi je voulais voir, surtout quand ça chante en fait, je préfère écouter les versions originales, les paroles qui ont été créées pour le film, plutôt que les paroles qui ont été traduites et interprétées pour que ça corresponde à quelque chose en français. Donc la première chanson, juste Deliver Us, qui est magnifique, qui est une des plus belles chansons que j'ai entendues dans un film d'animation, et tout l'accompagnement d'animation, etc. Ce qui est très bien dans la version française, c'est que justement dans la première chanson, la Délivre-nous, avec tout du coup la maman de Moïse qui met le bébé à l'eau, c'est que la chanteuse qui a priori du coup a des origines orientales, ouais. Quoi, elle prend un peu justement l'accent. Oui, et ouais, ça fait très, c'est très raccord, quoi. Et je trouve que ça passe très bien. Et je sais pas si c'est pareil dans la VO, je l'ai jamais vu en VO. Dans la VO, c'est pareil, y a même deux phrases en hébreu, je crois. J'ai pas envie de me tromper, hein, mais je crois que c'est l'hébreu. Il y a beaucoup de phrases en hébreu, voilà. Dans le film. Ils sont vraiment appliqués pour. Enfin, ils ont consulté pas mal de personnes, que ce soit religieuses et historiens. Le film est très, et puis le film est très proche de la récit biblique, ouais. Donc c'est pas pour que les Égyptiens ressemblent vraiment à des Égyptiens, Christian Bale, voilà. J'ai pas mais vu. Et puis même c'est vrai que même Odyssey, en termes de décor, les dessins sont très bien, parce que si tu t'intéresses un peu à l'Égypte antique, c'est vrai que tu retrouves. On pense pas que par exemple les tombeaux de pyramides et tout étaient totalement peints, mais si. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui montent dans le film, et c'est bien parce que c'est pas forcément l'idée que les gens ont au départ, quoi. Mm-hmm. Le fait que les pyramides étaient recouvertes de marbre ou de choses comme ça, c'est que aujourd'hui non, mais c'est bien, je trouve que le film, en plus d'être un bon récit biblique, il donne vraiment une bonne vision de ce que pouvait être l'Égypte. Ouais, ouais. Et franchement, moi, le film m'a donné une grosse claque, en fait, parce que j'ai vraiment adoré l'histoire. Je m'attendais pas vraiment. Enfin, le film, je l'ai regardé parce que je voulais voir tous les DreamWorks, mais c'est vraiment passé dans un de mes films d'animation préférés, parce que. Et tu l'as vu en Blu-ray, non? Ou en qualité Blu-ray. Voilà, je l'ai vu en qualité Blu-ray. Mais je l'aurai en Blu-ray très prochaine. Ah non, il est pas sorti en Blu-ray, en fait. Je voulais l'acheter, fait. Ouais, ça m'a un peu surpris. Parce que je voulais absolument l'acheter en Blu-ray après que je l'ai vu. Il est toujours pas sorti en Blu-ray, ce qui est vraiment dommage parce que le film est magnifique et mériterait franchement une sortie Blu-ray. Donc DreamWorks, si vous m'entendez. Voilà, sortez-le en Blu-ray parce qu'il est magnifique. En plus, les voix originales, il y a vraiment un casting de fou, quoi. Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum, Danny Glover, Patrick Stewart. Enfin, et ça continue. Tous sont très très bons. L'histoire est excellente, l'animation, les personnages, on s'attache vraiment aux personnages ça prend pas vraiment de côté. Il y a quelques subtilités scénaristiques qui font que on n'est pas complètement pour un personnage et contre un autre. C'est pas noir et blanc, c'est plus gris. Voilà. Pour dire plus clairement. Voilà, donc moi, c'est vrai que c'est assez nuancé. Oui, voilà, nuancé, merci. Je vais chercher le mot. Donc voilà, moi j'ai vraiment apprécié, je vous le conseille énormément si vous ne l'avez pas vu. Et même si vous dites oh récit biblique, oh là là, c'est lourd, c'est chiant. Après en même temps, on sait ce qu'on regarde aussi. Hein. Voilà, il y en a qui l'ont. Enfin, j'ai regardé sur Sens Critique, j'ai regardé quelques critiques d'ailleurs. La tienne est très bonne, Eddie. Mais pourtant, elle n'est pas dithyrambique, hein, parce que moi j'ai des réserves un petit peu sur le film. Oui, mais moi j'ai vraiment été plongé dans le film et j'ai vraiment adoré. Et il y a certains qui l'ont accusé parce que apparemment ça, enfin. En même temps, ils peuvent pas, enfin, qui l'ont accusé que ça parle de Dieu, alors que en même temps, c'est adapté de la Bible, donc on peut pas non plus effacer complètement tous les trucs qui sont dans la Bible. C'est une histoire qui suit à peu près le. Bon, je l'ai pas lu le. Je suis désolé, mais j'ai pas lu le texte original, mais voilà. Le film. Ouais, la réserve que j'avais, c'était que c'était peut-être pas très accessible aux enfants. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais dit. Enfin, c'est ce que j'avais lu, et c'est sûr qu'il y a quasiment pas d'humour à part non. Vraiment pas c'est énormément pas, c'est quoi. Pas un film, c'est voilà. Le début peut-être un peu après, voilà là, c'est mais ça mais moi c'est ça qui m'a plu en fait parce que le ton est grave hein, voilà. Dans le film c'est pas un film vraiment pour enfin c'est un film qui prend pas les enfants pour des cons, ça c'est sûr. Et en tout cas moi je le conseillerais quand même aux enfants, même si c'est pas super joyeux etc tout le temps, mais voilà, ça change un peu et c'est vraiment très très bon. Voilà, je voulais juste conseiller ça rapidement pour si vous ne l'avez toujours pas vu, jetez-vous dessus. Et voilà. On va passer ensuite à à Eddie qui va nous taper sur les doigts à Morgan et à moi. Mais non. pas à Quentin. Il l'a pas vu. Quentin ne l'a pas vu. Ah oui, c'est vrai. Donc on va parler, enfin Eddie va parler de Night of Cups et nous on va essayer de pas trop en parler. Non mais ça va être assez rapide, hein. Enfin je vais essayer. Donc oui, je l'ai enfin vu. Night of Cups que j'attendais énormément évidemment l'année dernière, et évidemment il est pas passé chez moi du tout. Ouais. Donc du coup j'ai dû attendre qu'il sorte en Blu-ray pour pouvoir le regarder. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. Évidemment. Alors pour le coup, autant je comprends les réserves de Morgan sur À la Merveille, mais alors je comprends pas du tout par rapport à Night of Cups. Et j'en suis navré, hein, mais. Là pour le moi coup, que moi, il y a mais non mais c'est parce que moi, c'est pas pareil, c'est que Axel mais je crois que c'est À part la ligne rouge et voilà. Et comment ça s'appelle le film avec Pocahontas là. Ah ben le Nouveau Monde. Voilà. Avatar. C'est le premier film post Nouveau Monde qui Avatar. Et à partir du Nouveau Monde, voilà. C'est vrai que les Terrence Manning sont plus dans la symbolique et tout. Donc c'est pour ça, Axel, il n'avait pas forcément les clés. Et je suis surpris que toi, Morgan, en ayant vu The Tree of Life, t'aies pas aimé Night of Cups. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Comment il sort ça? Non, mais parce que... Mais non, c'est mais... Trop parce que... Spontanéité, mais, c'est... Pour moi, c'est Night of Cups, ça pourrait être, même limite, être la suite ou carrément une réinterprétation de Tree of Life, en fait. Il y a tellement de thèmes similaires et il oppose les deux mêmes choses. C'est vrai que dans Tree of Life, on avait l'opposition entre la nature et la grâce. Donc la nature avec Brad Pitt et la grâce avec Jessica Chastain. Et là, c'est exactement la même chose, en fait. Donc, bon, bref. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous me dites qu'il ne se passe rien, parce que ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que ça reste quand même un problème. Hein. Je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit quand vous en avez parlé, mais c'est que le problème de ce film, c'est qu'il est trop personnel en fait. Et du coup, quand on n'est pas quand on n'est pas trop habitué à son cinéma et qu'on n'a pas trop pris de recul du coup par rapport à ça, mais c'est pas péjoratif, c'est juste forcément quand on n'est pas habitué, on n'a pas le même recul non plus sur un réalisateur. Du coup, moi j'ai vu tous ces autres films, donc c'est vrai qu'il y a forcément des choses qui me sautent aux yeux. Et moi j'ai vraiment la sensation de ça, c'est que là il est plus du tout dans une démarche en fait, Terrence Malick est plus du tout dans une démarche de faire des films pour un pour bon. Parler à son public, c'est vraiment c'est très personnel et après bah c'est voilà, si le public il trouve des choses tant mieux, s'il trouve pas de trucs tant pis. Et en fait bah oui, je pense que du coup il y a vraiment que ces gros fans hardcore ou qui du coup sont un peu en phase un peu avec lui qui peuvent c'est une vraiment démarche un assimiler peu égoïste, trucs, quoi. Enfin bon après ah mais ça je, ça complètement. Ouais. Pour le coup complètement, non mais c'est avoué mais voilà. Ben ouais, c'est à demi avoué. Ouais. Mais après, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que Terrence Malick a jamais été un réalisateur de grand films public. Grand public ou de lui c'est le finalement il est plus moi je l'avais déjà dit une fois ça et on m'avait dit non c'est un réalisateur et tout, mais pour moi c'est pas vraiment un réalisateur, c'est quelqu'un qui utilise le cinéma pour raconter autre chose. Mmh. Et je trouve que là là c'est également ça, sauf que du coup même si le film est très personnel, je trouve que la forme est quand même vachement plus accessible que peut l'être Tree of Life par exemple. Pour moi tu me dis Night que of Tree of Life c'est moins accessible que Night of Cups. Ouais. Ah moi je trouve que c'est carrément moins accessible. D'accord. Ah non, ouais. J'ai peur, oh, bah, j'ai peur maintenant. Oh là, oh là. Ouais. Non n'écoute pas. Parce que mais non, mais parce que le film est construit, là il y a une narration, il y a des chapitres, enfin je veux dire c'est enfin The Tree of Life c'est si c'est découpé un peu de la même façon, mais parce qu'après, c'est le sujet qui est différent. The Tree of Life, c'est plus universel, c'est pour ça que ça reste quand même accessible. Mmh. Mais là, c'est que du coup, on est vraiment que sur le parcours d'un homme. Et je trouve que là, bah, il a construit son film un peu comme un conte moderne, quoi, comme une espèce de fable, où le personnage, du coup, il est un peu dans sa quête du Graal. Donc là, le Graal, en gros, ce serait la grâce qu'il voudrait trouver à travers l'amour d'une femme. Et je trouve que là, il... Enfin, j'ai trouvé ça assez linéaire. Enfin, j'ai pas été perdu dans le film, quoi. J'ai trouvé. D'accord. En fait, c'est surprenant, mais j'ai été moins dans parce que dans le film de Malick, je les regarde, mais je suis toujours un peu dans l'interprétation. Et là, pour le coup, oui, mais moins que d'habitude. Ok. Donc, c'est vrai que j'ai pas été perdu. Alors après, c'est vrai que c'est un long chemin de croix quand même, ce film, où on suit le personnage. Et il y a beaucoup de... Bon, évidemment, il y a beaucoup de symbolisme. Et pour le coup, je trouve que même les personnages sont symboliques. C'est vrai que dans Tree of Life, on avait vraiment Brad Pitt et Jessica Chastain. Donc, il y avait à la fois les figures du père et de la mère. Et puis, en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient aussi ces figures d'être la nature pour Brad Pitt et la grâce pour Jessica Chastain. Donc là, il faut... Bon, ceux qui n'ont pas vu Tree of Life ne comprennent pas trop pourquoi je dis la nature et la grâce, je pense. Faut voir le film. Faut voir le film, c'est que ben en fait il oppose les deux en fait sont belles, sauf que il y a des, enfin bref, tu verras le film et tu comprendras mieux après, je pense. Ouais. Mais justement j'ai commandé le Blu-ray donc. D'accord. Ouais. Et non mais ce reflet c'est très très beau. Avant de l'argent dépensé par les fenêtres. C'est t'as dit quoi Quentin? Non, c'est Morgan qui a parlé. Ah. J'ai dit c'est vraiment de l'argent dépensé par les fenêtres. Quoi, Tree of Life? J'ai acheté Tree of Life. Ah désolé, alors. Désolé. Oui. Ah, je me disais justement, c'était bizarre que tu disais que c'était de l'argent jeté par la fenêtre. Hein, enfin, ah, non, Life, non, mais... bah non. Non, non, je l'ai acheté en plus à c'était ah, deux non, pounds mais... sur Amazon UK, donc voilà. Et ça, 4 euros le Blu-ray, j'étais content. Oh. Et tu verras en Blu-ray, c'est formidable. Ouais, il faut que j'achète. Moi, j'ai envie d'acheter la version. Avec toutes les petites vignettes, là, enfin, ouais, c'est l'anglaise, c'est la version anglaise. Le Blu-ray et le DVD avec. Ouais, elle a l'air vraiment belle, cette édition. Moi, c'est ce que j'ai le coffret Blu-ray DVD édité par Europacorp. Je pense que je vais la prendre comme ça parce que. Ouais. Mais t'as que, en fait, il y a que sur les Blu-ray que tu as des bonus, hein. Tu t'en as pas sur les DVD. Et les bonus sont super intéressants, du coup. Donc. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Oui, on a vraiment cette opposition entre la nature et la grâce, encore une fois, mais ça vient en fait... J'ai l'impression que depuis The Tree of Life, ça devient un fil conducteur. C'était déjà un peu le cas dans Le Nouveau Monde, où du coup, tu avais à la fois les Indiens qui étaient... qui justement étaient un peu en osmose avec ces deux versants-là, en fait. Il y avait, complètement. Il y avait la grâce spirituelle et la nature... plus impétueuse, mais très belle quand même, quoi. Et là, je trouve que c'est compliqué parce que c'est le premier film de Manic où on est. Où il est le plus dans... Déjà, les environnements du film, c'est beaucoup de... C'est très urbain, c'est très... on n'est pas dans les champs de blé des Moissons du Ciel, par exemple. On n'est pas dans... On n'est pas dans tous les paysages splendides que t'as dans The Tree of Life. On est vraiment dans quelque chose de plus... c'est plus froid. Et en même temps, il arrive à distiller là-dedans quelque chose de très... mais de très humain, quoi. Moi, ça m'a vraiment touché et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. De toute façon, je pense que ça se sent. Oui, je l'ai vraiment pris comme une fable. Il arrive vraiment à faire naître ce côté un peu fantastique, fabuleux dans des environnements qui s'y prêtent pas. Je pense à toute la scène, par exemple, où Christian Bale il est près d'un aquarium, donc tu as les poissons. Et il regarde un enfant. Enfin, et là encore une fois, on est ramené à des trucs très très propres à Manic. Donc t'as le gosse tout petit face à l'aquarium gigantesque, dont t'as la notion du tout petit et du très grand. Enfin, c'est plein de trucs comme ça qui reviennent souvent. Et moi, franchement, le film m'a plu parce que j'ai trouvé que c'était un long chemin de croix, oui, mais qui était finalement plein d'espoir, en fait. Parce que le personnage est quand même très malheureux, hein, tout le long du film. Il y a des ellipses où on voit que le peu de relations qu'il a eues, ça s'est toujours soldé par des échecs. Et je trouve que finalement, la fin, c'est. Ça se termine un peu comme ça. Je ne me souviens même plus de la fin. Quoi. Pourtant, je l'ai vu il y a 2 mois. Non, 3 mois plutôt. C'est un plan très onirique. Oui. Mais... Et je trouve ce plan justement plein d'espoir. Et après, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi, c'est que du coup, je suis allé encore plus loin dans l'interprétation. Et je me suis dit, mais est-ce que finalement, ce fameux chevalier des coupes, comme le dit le titre du film, est-ce que c'est pas Terrence Malick lui-même, toujours à la recherche, en fait, de manière très personnelle, à faire ses films, toujours à la recherche d'une espèce de grâce qu'il trouve pas, quoi, et qu'il pousse encore à réaliser et à réaliser, et quitte à devenir un peu redondant, en fait, dans ces thématiques. Et moi, j'ai trouvé ça assez beau, parce qu'il y a une mise en abîme comme ça derrière qui moi, m'a plu, quoi. D'accord. Mais après, je peux comprendre que le film déplaise complètement, hein, mais c'est vrai que moi, non, ça, mais, m'a, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu au niveau des images, au niveau... Enfin, niveau réalisation, mais après le reste, j'ai. Alors peut-être je suis con et je comprends pas, mais voilà, mais c'est juste que non, j'ai pas vraiment compris le film, mais je redonnerais peut-être sa chance. Hein, mais tu t'es pas ennuyé, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais tu t'es pas ennuyé à certains moments, il y a pas un petit moment. Non. Aucun, d'accord. Okay. Non, vraiment pas. Moi, ça m'a. Je me suis laissé porter, quoi. D'accord, ok. Okay. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine appréhension du cinéma de Malick, en fait. Ouais. C'est tout con, hein, et c'est pas, j'ai pas envie de paraître snob en disant non, ça, bien mais, sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment la clé, quoi. Pour apprécier ces films, il faut être faut un contexte, il faut être dans un certain état d'esprit, en fait. D'accord. Ouais. Je pense pour apprécier pleinement ces films, et moi, pour le coup. Je l'ai vu à tête reposée, tranquillement, chez moi, et j'étais prêt à le voir. Je l'avais depuis quelques jours à la maison, et je ne l'avais pas encore regardé, parce que je savais que voilà, c'était pas un soir en rentrant du boulot, par exemple, il fallait que je me mette devant ce film. Non, fallait que je sois au calme. J'ai regardé un samedi où j'étais chez moi l'après-midi, et voilà. Donc, j'ai vraiment aimé, beaucoup, beaucoup. D'accord, bon. Ben voilà, donc ben. Mais bon, j'avais dit que je parlerais de ce film quand je disais. Non, mais de toute façon, je voulais ton avis quand même parce que. Ah oui. J'avais quand même l'impression d'être passé à côté du film, hein. Je vais pas non plus dire que. Mais pour le coup, voilà. Oui, je vais faire plaisir à Morgane en disant ça, mais c'est vrai que À la Merveille est pour moi carrément en dessous de The Tree of Life et du coup de Night of Cups. Je trouve Night of Cups bien meilleur que À la Merveille. Je trouve qu'il parle mieux du couple dans Night of Cups qu'il le fait dans À la Merveille, alors que c'est pas. C'est pas la thématique principale de Night of Cups. Ouais. Donc, alors que À la Merveille, c'était justement un espèce de. C'était un film prière sur l'amour un peu. Donc, D'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, ben on va alléger un peu toute cette ambiance. Encore de l'amour, oui, encore de l'amour. Ouais, encore de l'amour entre vampires, non. Vampire. Ah oui, parler... c'est vrai, les gens. Axel va vous parler de Twilight, évidemment. Oui, mais alors, ce film qui est... Oh là là, mais... Non, alors on va parler plus sérieusement d'un film dont Eddie vous avait déjà parlé, mais moi je vais en remettre que une je couche. Vous avais chaudement recommandé. Voilà, et moi je vais en remettre une couche pour vous recommander encore plus, parce qu'il est excellent, c'est vraiment très très bon. Donc c'est Vampire en toute intimité en français et What We Do in the Shadows en anglais, ou plutôt c'est un film nouveau de Nouvelle-Zélande, voilà, qui est sorti le 19 juin 2014 en Nouvelle-Zélande et le 30 octobre 2015 en France, seulement en direct ou DVD en e-cinéma. Il n'y a pas eu de sortie en salle, je crois, je pense pas. Réalisé par Taika. Non, il n'est pas sorti en salle. Pas chez nous en tout cas. Non, chez nous il n'est pas sorti en salle, mais en Nouvelle-Zélande, Australie et États-Unis, je crois qu'il y a eu quelques sorties en salle. Voilà. Ouais. Donc réalisé par. Alors je suis désolé, c'est des noms de Nouvelle-Zélande. Donc Taika Waititi et Jemaine Clément. Voilà. Et Taika Waititi, c'est lui qui va faire Thor Ragnarok. Ouais, exactement. Donc on les retrouve aussi dans les rôles principaux du film, avec aussi Jonathan Brugg, et enfin c'est plein, ils ont, enfin j'ai vu quelques interviews des réalisateurs, ils ont dit qu'ils avaient proposé ça à Hollywood et qu'ils en voulaient pas parce qu'ils voulaient mettre des acteurs connus dedans, et eux ils voulaient tourner avec leurs potes, voilà, et ça se sent justement dans ce film. Donc, et c'est pour ça que ça fonctionne super bien. Voilà, donc moi je l'ai vu sur les conseils d'Eddie en version française, qui a été écrit et dirigé par Nicolas Charlet et Bruno Laven, que vous connaissez pour alors attends, je fais juste une pause parce que je me souviens plus, c'est les messages à caractère informatif sur Canal+, en 98 à 2000, voilà. C'est Nicolas et Bruno. Voilà, Nicolas et Bruno, ils sont sous ce... Voilà, ils sont assez connus. En tout cas, moi, j'adore leur humour. Voilà, c'est pour ça que je voulais voir en VF. J'étais pas déçu. Parce que, en fait, Wild Bunch, qui distribue le film, a laissé carte blanche à ces deux scénaristes pour faire le film, enfin adapter le film de la manière dont ils voulaient, et c'est vraiment super drôle. Alors je le verrai en VO aussi, parce que je pense que la VF, ça diverge beaucoup, voilà, apparemment, au niveau de l'histoire. Ça diverge pas mal, mais je pense que la VF peut devenir aussi culte que le film en VO l'est déjà sûrement. Je crois qu'il est déjà culte aux États-Unis, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui... Il y en a beaucoup, voilà, qui ont critiqué la VF. Moi je la trouve elle est vraiment très drôle, hein. Très très drôle. Très caricatural, voilà. Mais c'est tellement volontaire. Et puis, juste l'idée de faire des vampires qui habitent à Limoges, quoi. C'est juste, mais c'est magnifique. C'est super drôle. Voilà, c'est super drôle. En fait, le film est bien sûr tourné en Nouvelle-Zélande, mais ils font croire que ça se passe à Limoges, avec dans une boîte. Enfin, ils vont dans une boîte à Limoges. Enfin, il y a les zombies, les vampires, etc. Enfin, ils rencontrent pas mal de créatures fantastiques. Et le film est vraiment exceptionnel, c'est un film de... Ça sent vraiment que c'est une bande de potes qui a tourné ce film. Et l'humour est vraiment génial. La VF aussi est très très bonne. Il y a Fred Testo, Alexandre Astier, Bruno Salomon, etc. Enfin, il y a pas mal de guests aussi. Moi, je voulais juste encore vous le conseiller parce qu'il est super drôle. Je me suis vraiment éclaté devant le film. Et voilà, c'était un rapide coup de cœur. Je ne veux pas trop en dévoiler, même s'il n'y a pas vraiment grand chose à spoiler du film. Mais les blagues sont vraiment excellentes. Et c'est un genre de. Enfin, c'est un mockumentaire, on l'appelle ça, mais c'est un documentaire parodique. Voilà, si vous préférez. Ça fait un peu comme Rec. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait penser un peu à ça. Il ouais, y a surtout le moment où les caméramans se barrent de la fête. Ça fait beaucoup penser à Rec. Mais voilà, donc c'est très très drôle. Personne ne bouffera le caméraman. Bon, alors peut-être celui-là, mais c'est tout. ça m'a trop fait. Il y a des répliques qui sont vraiment. Qui peuvent devenir cultes au même titre que celle de Astérix ou de La Cité de la Peur ou des trucs comme ça. Donc voilà, je vous le recommande très très chaudement, autant qu'Eddie l'avait fait il y a quelques mois. Donc voilà, jetez-vous dessus. Et voilà, on a fini les coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Enfin, on va passer... C'était long. On va passer au gros morceau. Donc Batman v Superman, l'aube de la justice. Le meilleur titre de l'univers. Donc voilà, on est au gros morceau de ce podcast, pour ainsi dire. Donc on va parler du deuxième film du mois, c'est Batman v Superman, Dawn of Justice, ou l'aube de la justice en français. Voilà. Sorti le 23 mars 2016 en France et le 25 mars 2016 aux États-Unis. C'est réalisé par Zack Snyder et on retrouve au casting. Alors, au casting, il y a tellement de monde, je vais pas pouvoir tous les dire, mais donc dans les rôles principaux, on va dire, il y a Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Lawrence Fishburne, Jeremy Irons, Gal Gadot, Holly Hunter, et voilà. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de monde, et puis vous découvrirez dans le film si ça vous intéresse. Voilà, donc le film. Oui, c'est Holly Hunter qui joue. Ouais, la sénatrice. Ouais. Putain, j'avais même pas calculé dans le film. Mm. Elle est trop géniale. Ouais. Donc, le film fait débat sur internet et fait débat ici même en ce moment. Donc, quel côté veut commencer? est-ce que. Enfin, Eddie, je pense que c'est le plus partagé. Oui, oui, oui. Ouais. Morgan n'a pas aimé, moi je suis partagé. Voilà. Voilà. Ouais. Donc je préfère te laisser commencer pour que. Voilà. Oula, la lourde tâche qui m'incombe. Alors, moi j'étais très enthousiaste à l'idée d'aller découvrir ce Batman v Superman, l'aube de la justice, même si je trouve que le titre est absolument horrible. Voilà. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Voilà, ça fait au moins 3-4 fois que je le dis, mais bon, tant pis. Et en fait, j'en suis ressorti mitigé, pour la simple et bonne raison que... Alors, je vais vous faire tiquer un peu, mais tant pis. Moi, j'avais bien aimé Man of Steel. Voilà. Moi, j'avais bien aimé Man of Steel, même si je sais c'est un film qui a des défauts, je les reconnais, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce que j'appréciais dans Man of Steel, c'est que moi, qui étais complètement néophyte de Superman, qui n'avais jamais vu la série Lois et Clark et compagnie, j'ai pas vu ceux de Richard Donner, je regardais pas Smallville, enfin voilà. Autant dire que moi, Superman, je connaissais de nom, je savais à quoi ça ressemblait et tout, mais j'avais jamais regardé. Et du coup, Man of Steel, je l'ai vraiment vécu comme une première approche, et je trouve que le film, pour une première approche, était bien. Il était... quelqu'un qui connaissait rien à Superman, en ayant vu ce film-là, il en savait quand même un petit peu plus, sans que ça soit trop compliqué ou quoi que ce soit, et je trouvais que c'était... Bon, ben voilà, pour une première approche de ce personnage, ça fonctionnait plutôt bien. Alors évidemment, ici... Dans Batman v Superman, Batman je connaissais mieux, donc pas de problème. Juste, j'ai oublié de dire, on fait une partie sans spoiler d'abord, hein, juste, voilà. Oui. Mm. Oui, bon, de toute façon, on va dire qu'il y a Wonder Woman, hein. Ça, c'est pas trop une surprise, hein. Voilà. Mais du coup, moi, ce que je reproche principalement, autant mettre les mots tout de suite, ce que je reproche principalement à Batman v Superman, c'est que c'est un bordel scénaristique, mais j'avais rarement vu ça quand même. Et j'ai pas tout compris. Et j'en suis vraiment navré, mais je pense que c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas que j'ai pas cherché à comprendre quoi que ce soit, mais c'est que finalement, je pense que le film a beaucoup trop de choses à mettre en place en peu de temps. Et pourtant, 2h30, c'est quand même long. Mais je pense que là, le film avait beaucoup de choses à mettre en place. Et le problème, c'est que... j'ai l'impression que les scénaristes n'ont pas vraiment eu le choix que d'adopter certaines facilités d'écriture pour pouvoir justement exposer tout ce qui avait été prévu au préalable d'exposer dans ce film. Et du coup, il en résulte que si t'as pas 2-3 références quand même de l'univers de DC Comics, t'es vite largué. Et ça a été mon cas, donc il y a plein de trucs que j'ai pas forcément captés. Alors moi, toutes les ellipses, je sais pas trop quoi, de Batman, j'ai rien capté du tout. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là? Est-ce que c'est pas vraiment un rêve? Mais en même temps, c'est pas vrai non plus, donc on sait pas trop ce que c'est. Ensuite... Tu veux que je t'explique tout de suite ou... Attends, je vais finir. Non, vas-y, je t'en prie. Et donc, après, c'est pareil, tout... les motivations de Lex Luthor... on les comprend qu'à moitié, je trouve. Autant, c'est vrai qu'on comprend... Alors, les motivations de Batman et les motivations de Superman, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien ciblé, il n'y a pas de souci. c'est le plus intéressant du film d'ailleurs. Mais alors c'est vrai que les motivations de Lex Luthor, c'est quand même un peu plus fouillis. Et j'ai pas tout compris le truc autour de du diable, tout ça, les références qu'il fait, enfin le truc avec les tableaux machin. Ouais. D'accord, c'est peut-être un effet de style, je sais pas, mais moi j'ai rien capté du tout. Et après tu me diras si bon, soit c'est que je suis con, non, soit c'est qu'il faut vraiment avoir les références en main. Je pense qu'il faut avoir les références parce que voilà, il y a des trucs genre le tableau par exemple, juste pour commencer, ça annonce le prochain grand vilain de l'univers DC Comics, mais ça on en reviendra sur Justice League en fait, qui arrivera dans Justice League, voilà. D'accord. Mais c'est plus un clin d'œil, mais c'est sûr que il y a quelques clins d'œil, je peux te l'avouer qu'il y a quelques clins d'œil un peu trop longs pour ceux qui ne sont pas initiés. Elles ont pris des gros sabots quand même, hein, pour les amener. Voilà, c'est très prégnant quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Je veux dire, la personne qui va sans rien y connaître, honnêtement, tu passes pas un bon moment, t'en ressors frustré finalement. Et c'est quand même c'est dommage parce que film à côté de ça a quand même des qualités, je trouve. Moi, j'aime beaucoup l'idée du Batman qui en veut à Superman parce que finalement ça fait écho à la bataille dans Metropolis à la fin de Man of Steel. En fait, il lui en veut principalement à cause des dommages collatéraux et du coup le fait que Superman puisse représenter une menace quoi. Même s'il est armé même s'il est animé par un désir de bien faire, à tout moment ça peut partir en couille étant donné l'étendue de ses pouvoirs. Donc j'ai trouvé que ça c'était intéressant. Par contre, maintenant, c'est ce qui, il y a plein de, voilà, c'est tout ce qui est en orbite ce autour qui l'amorce, de, ouais, voilà, c'est ce qui amorce, c'est ce qui est en orbite autour de ça qui me pose problème, parce que du coup, ça a beau être qu'en orbite, c'est quand même, tu sens que ça va avoir de l'importance à un moment ou à un autre, c'est pas dans ce film-là, mais dans un autre. Et du coup, voilà. Donc là, alors déjà, on nous présente beaucoup de personnages. Alors Batman, on le connaît, mais moi, je reste persuadé finalement que avant de nous faire Batman vs Superman, il aurait fallu refaire un film solo sur Batman. Non, je suis pas d'accord. Parce que le problème, c'est que tout ce qui a pas pu être dit dans Man of Steel, aurait pu être dit dans Batman, ou alors faire un Man of Steel 2, enfin faire quelque chose. Mais pour moi, Batman vs Superman, de toute façon, il est pas au bon endroit. Dans la chronologie, il est pas au bon moment, parce que le problème, c'est que un autre film aurait permis d'alléger un peu tout ce que Batman vs Superman a à raconter, je pense. Et du coup, voilà, pour moi, il y a un gros problème de ce côté-là. Ensuite, bon, alors le casting, pas de problème. Enfin, moi, Henry Cavill en Superman, ça m'avait pas gêné. Le gros point fort du film, c'est le casting. Ouais. Véritablement. Ouais. Ensuite, Ben Affleck, très bien en Batman, pas de problème. Amy Adams. Enfin, Bruce Wayne intéressant. Moi, je le trouve intéressant, ce de Christopher Nolan. Hein. Le Bruce Wayne, moi je parle de Batman de Christopher Nolan, il est intéressant. Mais Bruce Wayne, c'est. Voilà, c'est bah, Burton. Burton, Son meilleur. Non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il éclipse un peu maintenant. Et pourtant, j'adore. Maintenant, j'oublie son nom. C'est Michael Keaton. Voilà, Michael Keaton. J'adore Michael Keaton. J'adore son interprétation, mais je trouve que Ben Affleck en Bruce Wayne, c'est juste le combo parfait. Voilà. Je te laisse continuer, Eddie. Après, Amy Adams. De toute façon, elle sert à rien dans le film, donc, je suis pas d'accord. Elle sert pas énormément. Elle sert au début et puis après. Un petit peu à la fin. Moi, je dirais plutôt c'est Gal Gadot. Alors, elle, dans le genre, je sers à rien et je viens juste. C'est du teasing au final. Elle sert pas à grand chose mais elle est bien amenée et puis elle a une super scène dans le film, donc ça passe. Et puis la musique. Et la musique de cette scène. Ouais. D'ailleurs, t'auras intérêt de la mettre dans le montage. Mais ça, c'est obligatoire. oui, Hans Zimmer, pour une fois, ça va, c'était pas mal, mais bon, maintenant il s'en va. Il quitte les films de super-héros. Alors que c'était. Il a fini sur une bonne note. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, là où que ça. Par contre, Jesse Eisenberg, alors il est constamment dans le surjeu. Au départ, ça va, au bout d'un moment, ça gonfle un petit peu. Jeremy Irons, moi j'ai trouvé très bien Alfred. Ouais, complètement différent de ce qu'a pu proposer Michael Caine, que je trouvais déjà très très bien. et là, bah, Irons c'est très bien, ça fait un Alfred plus jeune aussi, ça change. Ouais. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage la sénatrice là, du coup, qui est pas mal aussi. Voilà quoi. Mais je trouve ces scènes avec Lex Luthor à son top. Ouais. Et c'est vrai la scène je parle beaucoup en métaphore et tout, c'est pas mal de ce côté-là, moi j'aime bien. Très classe. Bon, avec après, le jus de grand-mère là. Oui. Ce qui m'a fait pas mal tiquer aussi, du coup, c'est le montage. Pas la réalisation, hein. Snyder, il ose des trucs et je trouve ça pas mal et ça peut fonctionner plutôt bien. Bon, par contre, il y avait beaucoup trop de ralentis, hein. J'en avais. Ah si. Moi j'en ai pas trouvé énormément. Moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément de ralentis. Par rapport à 300, Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'ai trouvé que c'était quasiment du niveau 300 au niveau des ralentis. Hein. Ouais. Ah bon enfin, ah ouais. Mon problème c'est que j'ai décroché un peu du film à un moment. Il y a un moment, j'ai décroché aussi. Je me basais plus que sur l'action, donc du coup. Pendant le rêve, en fait, il y avait beaucoup de ralentis, franchement. Et après, voilà. Alors, ça en termes d'effets spéciaux. Moi, j'ai un problème avec ça. Autant toute la scène d'ouverture, le montage et les effets spéciaux fonctionnent bien, là, parce qu'on est du point de vue de Bruce Wayne. Bon, alors, même s'il a les employés les plus cons du monde, quand même, hein, Bruce Wayne, faut le dire, dans ce film-là, qui attendent que leur patron les appelle pour se sauver, alors que tous les immeubles autour sont en train de tomber. Oui, ça c'est juste. C'est vrai que la scène rend vachement bien, c'est assez immersif, et du coup, évidemment, là, on pense au septembre, parce que tu as la fumée qui arrive face à la caméra. Il y a des trucs esthétiques qui fonctionnent plutôt bien. Par contre, moi, c'est la fin. Doomsday, c'était pas possible. Oh là là là là, mais qu'est-ce que c'est moche! Pour un film qui a coûté aussi cher. Moi j'ai trouvé vraiment bizarre. Franchement, après, moi, de toute façon, dans les choix visuels du film, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Moi, je trouve. Les choix visuels de Man of Steel, est-ce que ça te plaît? Le début de Man of Steel, parce que. Sur Krypton. Le Krypton un peu Pandora, là. Ouais. Ouais, ça me plaît qu'à moitié, mais ça dure pas longtemps. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Fibres dans lesquelles Zod s'en va. Voilà, il y a des trucs dans Man of Steel qui vont vraiment pas. Et Doomsday par rapport à ça, c'est 100 fois mieux, franchement. Moi je trouve Doomsday horrible. Enfin, après, même si ça plaît pas, ce qu'on voit au début de Man of Steel. Je trouve ça plus beau, les textures rendent mieux en fait. C'est que moi, Doomsday, je le trouve c'est moche. C'est les libellules là sur laquelle truc. Non, c'est ça, les choux. Mais Doomsday, c'est que. On sent que c'est vraiment que du CGI et tu l'effet est pas réussi. C'est vrai parce qu'il que fait un peu penser au troll du Hobbit. C'est Weta Workshop. Il fait penser au troll du Hobbit, il fait penser au gros méchant de l'incroyable Hulk aussi. Ça m'a pas plu du tout. Alors pour le coup, moi j'aime pas du tout le costume de Batman. L'armure là. Ah bon? Ouais, l'armure trop mécanique et tout, je trouve que non, ça fonctionne pas. Enfin, c'est vrai qu'on dirait, Buzz l'éclair. C'est juste pendant une scène. Quoi. Mais non, Superman, il allait pas avec son costume en tissu. Bah peut-être, mais c'est moche. Pourquoi pas? C'est Batman. Moche, hein. Ça m'a fait penser un peu au robot dans Avatar, sauf que dans ceux d'Avatar sont en place. ça m'a pas plu du tout. Et sinon, à côté de ça. Ouais, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a du montage qui est un peu foireux quand même des fois. Là, toute la scène où Bruce Wayne essaie d'intercepter le convoi, la Batmobile, on la voit quasiment pas. C'est quand même 5-7 minutes. Hein, ouais, mais c'est un fouillis. Il y a des trucs qui me plaisent pas. Et à contrario, il y a des scènes, du coup, plus dans l'intimité des personnages, que je trouve plutôt bien. Toute la scène, il y a un plan comme ça qui me reste en tête. C'est celui où Bruce Wayne marche vers son manoir en ruine. Alors là, c'est très stylisé et tout, c'est vraiment très beau. Le résidu Malik. Ouais, un peu, ouais. Et, et la scène où Clark Kent entre dans le bain de Lois Lane, bah voilà, c'est assez stylisé. Et les lunettes qui sont avec l'eau, c'est magnifique. C'est joli, enfin, quoi. Mais, Moi, je trouve qu'ils ont bien retranscrit l'image de Clark et Lois. Ouais. Mais... Bah, c'est mignon, mais en attendant, il y a de la flotte par terre. Hein, donc... Oui, mais bon, voilà, je veux dire, dans l'esthétisme, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, et, après, pareil, il y a des... Mais il y a des trucs que j'aime bien dans le film. J'aime bien, par exemple, la statue de Superman dans Metropolis. Je trouve ça cool. Le mémorial et tout, je trouve ça cool aussi. Il y a des points forts et il y a plein de points faibles. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de points faibles qui pour moi, l'emportent vraiment sur les points forts. D'accord. Okay. Donc, bon. Mais, attention, je dis ça de cette version cinéma. Peut-être que quand je verrai la version longue, et j'espère que la version longue sera plus explicative, que ce ne sera pas juste de l'action, parce que là, pour moi, de l'action, il y en a aussi. Je pense pas que... Ouais, il y a assez d'action, je pense. J'espère que, ce sera beaucoup plus explicatif. Ouais, je pense que ce sera le cas. Tout ce qui tourne, enfin, alors, le truc avec le diable, les tableaux, les machins, enfin, j'espère que tout ça, ça va avoir un sens maintenant. Parce que moi, c'est vraiment à ce côté-là. Les problèmes visuels, bon, il y en a partout et tout. Bon, c'est vrai que je trouve ça dommage que Doomsday rende aussi mal, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et après, si déjà le film a une cohérence et une logique scénaristique, ça change tout. Parce que là, pour le moment, c'est que... Enfin, c'était laborieux, quoi. Au bout des 2h30, moi, il fait grand temps que je sorte de la salle. J'en ai marre. Donc, voilà, un peu ce que je pense. Batman vs Superman. En gros, pour moi, voilà, c'est ça. C'est beaucoup trop de choses à dire et le film s'en mêle un peu les pinceaux. Mais pourtant, il y a des bonnes intentions, mais... Voilà. Et le problème, c'est que tout le monde n'est pas fan de comics pour avoir toutes les références. Oui. Oui, je suis d'accord. je sais pas, Morgan peut-être. Ouais, moi j'ai un rapport, j'ai un rapport assez particulier avec ce film parce que. Tu l'attendais. Alors oui, déjà je l'attendais. Tu les avais mis dans tes attentes. Alors que. Pas le truc où non. Non. Tu l'as mis dans tes attentes de 2016 et t'étais vraiment super hype. Oui, j'étais très hype, pas de problème. Mais c'est vrai que je suis sorti du film. Alors, en fait, c'est la première fois, je pense, depuis que je vais au cinéma, que il m'a fallu un temps de réflexion aussi long pour pouvoir me dire est-ce que j'ai aimé le film ou pas. T'as mis c'est-à-dire au moins un jour à mettre un jour parce que il m'avait appelé juste après le film, il avait adoré. J'étais au téléphone avec quelqu'un. Bon, c'était pour tuer le temps, personne n'est spécialement intéressante. Et non, effectivement, j'étais au téléphone avec Quentin et j'y ai dit, et c'est bien, c'est un super bon film, effectivement, j'ai trouvé ça plutôt bien, même très bien, j'étais parti pour un 4 sur 5. Je dis, ouais, c'est super, il y a des trucs qui marchent, ça va. Ah bah c'est bon, on est d'accord. Non. Et au final, 10 minutes après, je raccroche et dans le bus, j'ai écouté de la musique, hein, et je me dis, mais putain, il y a des trucs quand même qui me restent. Des trucs qui reviennent. Vous savez, comme quand vous mangez un bon truc, c'est trop bon, et qu'après vous avez des problèmes intestinaux, vous avez des remontées acides et tout. Il y a eu un peu de ça. Et au final, je me suis dit, mais j'ai aimé le film, oui, mais il y a des trucs, c'est bizarre, il y a des trucs que je trouvais bien et que plus le temps passe, plus j'aime moins. Enfin, moins j'aime. Je parle bien français. C'est marrant parce qu'au final, on a le même avis, mais alors que moi, j'ai eu le processus inverse de toi. Inverse. Voilà. Je me suis ressorti complètement déçu, frustré, et en y repensant, j'ai accordé un peu plus de crédit au film. Ah ben, c'est le contraire. Parce que, bon, je voilà, c'est... Et finalement, au bout d'une petite journée, je suis passé de quoi, du 4, je suis passé... Alors, après, je suis passé au 3,5, ensuite au 3, ensuite au 2,5, et je me suis arrêté à 2. Parce que, il y a plein de trucs qui font que je trouve que le film, déjà, il n'est pas abouti, mais effectivement, c'est compliqué, et je... Alors, si j'étais dans cet état-là, je pense que c'est compliqué de juger un film comme ça, parce que, on a une version qui n'est pas définitive, donc on attend forcément une version longue qui pourrait corriger certains défauts et m'éclaircir sur d'autres aspects qui, personnellement, m'ont semblé assez flous. Parce que j'ai trouvé le film extrêmement complexe, et la complexité que je lui avais accordée, qui pour moi était une de ses qualités, s'est ensuite transformée en assez brouillon et assez confus. Et bon, alors j'ai le cinéma de Zack Snyder, je peux très bien adorer L'Armée des Morts, même si c'est quand même son film le plus sobre, comme détester, enfin Watchmen, c'est un film, bah pareil, ça m'emmerde, enfin ça m'avait emmerdé, quoi. J'avais trouvé ça péniblement long et beaucoup pas intéressant du tout. Man of Steel, je déteste, je préfère celui-là, Man of Steel, c'est vrai, mais il y a des défauts qui personnellement me gênent. Alors, au niveau des acteurs, j'ai aucun problème. Je trouve qu'Henry Cavill gagne beaucoup plus en épaisseur qu'en Man of Steel. Ah oui, tellement. Moins lisse, je trouve que le personnage est beaucoup plus étoffé. Pareil pour Amy Adams. Je trouve que voilà, Lois Lane a un rôle, elle a une fonction qui, voilà, elle a quelque chose à faire dans cet univers. Ben Affleck, je trouve excellent. Bon, après, je préfère Michael Keaton, c'est vrai, parce que je suis pas fou de Christian Bale dans mon film de Nolan. Je trouve qu'il campe un Bruce Wayne. Alors bon, effectivement, en ce moment, c'est un peu la mode, hein, du Sad Affleck, je sais pas quoi là. Ok, ouais. Bon, il fait la gueule tout le film, en même temps, c'est le personnage qui veut ça. Et bah moi, oui, je trouve qu'il porte très bien sur lui ce côté torturé et limite dépressif. Et ben, je trouve que Ben Affleck, voilà, il le porte bien. Visuellement, je trouve le film, c'est le jour et la nuit. Il y a des moments, je trouve ça super beau. Je trouve que c'est foisonnant, c'est flamboyant, ça en envoie de partout. Il y a vraiment une richesse visuelle que j'avais trouvé vraiment scotchante. Et parfois où, bah, effectivement, Snyder nous filme un combat où il fait nuit et pas de chance, il pleut. Donc, et avec la 3D, je peux vous garantir qu'on ne voit rien. Et comme, effectivement, on dit ouais, c'est trop rapide. Alors, ça, c'est un défaut que j'ai du mal à comprendre, c'est trop rapide. En même temps, c'est Superman qui se bat. Ce serait con qu'il soit lent. Donc, mais c'est vrai que Snyder a un peu, voilà, peut-être qu'il est un peu trop épileptique et du coup, j'avais du mal à. Je trouvais ça illisible. Non. Et je trouvais. Pas toujours. Il y a des mots. Par exemple, la scène dans le désert. Oui, je trouve cette scène magnifique. Je trouve la façon dont la caméra suit Batman et d'ailleurs, j'ai aucun problème avec le parti pris de Snyder pour montrer Batman. C'est vrai qu'on montre Batman comme un mec qui, bah, il tue des gens, mais vraiment, et j'ai aucun problème avec ça. Ouais, mais c'est justifié parce que c'est pas le Batman de maintenant. Il tue des criminels quand même. Oui, et puis il l'a toujours fait, même dans les films de Burton. Hein. Oui. Le Joker, il l'a tué dans le premier Batman. Concrètement, il l'a tué. Bon, il l'a laissé tomber, mais il l'a tué, quoi. Donc du coup, bon, là-dessus, j'ai pas de problème. Je trouve que les personnages sont bons. C'est ça qui, bon. Même si je trouve que honnêtement Gal Gadot, je comprends absolument pas, même si je pense que c'est plus pour un, c'est juste parce que voilà, elle est soi-disant classe, mais elle ne sert à rien du tout. Dans l'histoire, oui, effectivement, mais je trouve qu'elle ne sert à rien. Je veux dire, l'actrice, elle est, bon, je la trouve pas plus. Alors moi, après, Gal Gadot, je vais prendre un peu sa défense, que j'avais beaucoup de réserves sur Gal Gadot au départ. Ouais, et finalement, ça, elle m'a plutôt convaincu. Pourtant, j'étais pas du tout. Bon, même si je maintiens, hein, pour moi, c'est toujours Xena la guerrière. La tenue, c'est pas possible, mais. Si, ça va. Moi, je préfère ça au slip bleu. Bien sûr, avec la tenue rouge, avec les étoiles, hein, franchement. Ça... Puis le côté Amazon, je comprends pas. C'est bizarre. Mais si, Wonder Woman, c'est une Amazon. Oui, mais les Amazones, c'est l'Antiquité, c'est pas le monde moderne. Enfin, le personnage est une Amazone. Il a vécu sur une île d'Amazon. Voilà, non. Morgane continue. Non, je trouve le seul problème que j'ai, c'est par rapport à Gal Gadot. Enfin, le personnage plutôt. C'est pas les acteurs. Les acteurs, je les trouve bons. Même Jesse Eisenberg, il est un peu dans le surjeu, dans l'excès, mais je trouve que. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé Jesse Eisenberg. J'ai aimé sa composition. J'ai aimé ce qu'il a apporté au personnage. Et franchement, c'est un méchant avec un sacré potentiel. Je peux comprendre. Maintenant, c'est vrai que le film, il y a eu un goût d'inachevé. Et est-ce que je me suis ennuyé? Mais beaucoup, quoi. C'est vrai que c'est quand même assez long. C'est que 2h30, on les sent passer. Enfin, moi, personnellement, je les ai sentis passer. Mais en même temps, c'est extrêmement compliqué de gérer un film comme ça parce que, bah, on sent qu'il est pas fini, quoi. Après, voilà, je sais pas trop quoi en dire. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Twitter des personnes qui ont dit on ne fera pas de critique parce que on ne sait pas quoi en dire. Mais moi, je suis pareil. Autant je me. Alors, si je dois me ranger dans une case, effectivement, je fais partie de ceux qui n'ont pas vraiment aimé. Mais parce que je trouve le film pas fini. En même temps, il est pas fini, mais en même temps, il est, je trouve, trop long. Et c'est vrai que, bah, s'il faut une version longue, j'ai peur de, en de oui de trouver ça plus limpide. Ouais, mais t'as pas envie d'une version longue pour mieux comprendre? Oui, pour mieux comprendre, mais le problème c'est que je trouve déjà le film long de base, donc ça risque un peu d'être compliqué. Ouais, mais, oui, mais le problème c'est que tu le trouves long parce que justement il y a des moments où on comprend pas grand chose et du coup on décroche. Alors sauf que là, si c'est plus linéaire, moi, normalement on est censé moins décrocher. Après, là où. Il y a intérêt j'ai... parce que sinon c'est. Là où je trouve qu'il y a une. On va dire une petite arnaque, c'est sur le titre Batman vs Superman. L'affrontement. Attends. C'est plutôt partie spoiler, donc Quentin et moi on va vite donner notre avis et après on passe vite. Oui, non, c'est pas un spoiler, je disais juste que je trouvais que l'affrontement n'avait rien de. Je m'attendais à quelque chose de plus intense, plus viscéral, plus épique. Je trouve quand même que ça reste un peu léger quand même. J'ai un peu l'impression, alors je vais un peu. C'est peut-être. Prenez ça comme du troll, mais c'est pas le cas. J'ai eu l'impression de voir Snyder faire joujou avec ses petits bonhommes, tu vois. Et je trouve pas. Je trouve que ça me. J'ai rien ressenti, quoi. J'ai pas été pris dans le film. Alors que je suis sorti de la salle en me disant, finalement, je trouve. C'est ça qui est extrêmement bizarre. J'ai l'impression d'être schizophrène d'un coup. C'est peut-être le cas. Oui, je le sais pas encore. Donc, ouais, voilà. Donc, t'as, enfin, ouais. T'es plus réservé quand même. C'est... Oui, je suis réservé. Ouais. C'est pas un mauvais film. Alors là, pour le coup, je trouve qu'il y a un bashing autour de ce film. Qui est, je trouve, un peu démesuré et pas totalement justifié parce que bon, je comprends qu'on aime pas, qu'on le déteste, mais au bout d'un moment, c'est autre chose, quoi. Je veux dire, il y en a qui. Non, ça, c'est de l'acharnement, c'est de l'obsession à ce niveau-là, hein, je veux dire. Waouh! Wow, mais bon, c'est vrai que de là en faire le plus mauvais film de tous les temps, etc. Non, mais faut pas exagérer non plus. Il a ses gros défauts, mais effectivement, la version longue pourrait, je pense, apporter plus de choses. Et par ailleurs, il y a quand même des scènes belles. La scène d'intro avec, avec les perles, là, je vais pas trop dévoiler, mais c'est quand même une sacrée belle scène. Par contre, la BO, je l'ai trouvé un peu insignifiante. Même le thème de. Ah bon il m'a pris la tête. Le thème de. J'allais dire Catwoman, non, c'est pas la même. Wonder Woman, j'ai trouvé pénible. Parce qu'en fait, c'est le même plan et la même musique à chaque fois. Elle est derrière son petit machin. Je trouve ça. Là, pour le coup, je trouvais qu'on était dans un jeu vidéo. Là, pour le coup, ça fait très jeu vidéo et c'est pas ce qui m'excite le plus, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Mais sinon, c'est pas non plus c'est pas la plus grosse merde de tous les temps. C'est un film qui a ses gros défauts, mais il a ses qualités. Et je trouve que on peut pas non plus tout lui reprocher. Je veux dire, il a quand même des trucs. Les acteurs sont quand même excellents, vraiment excellents. Voilà. Quentin, tu. moi, j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Seulement, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de réserves qu'à la sortie du film. D'ailleurs, je vais le revoir demain pour la défense. C'est vrai que moi j'ai beaucoup plus de réserves. Déjà dans ma critique, en fait, c'est en écrivant la critique que je me suis rendu compte que voilà, mon avis avait changé sur pas mal de points. Je trouve qu'il y a certaines scènes où voilà, moi aussi j'étais vraiment beaucoup perdu, quoi. Les scènes des hallucinations de Bruce Wayne, tout ça, enfin, c'était vraiment. Voilà, après je trouve quand même aussi les. Ouais, non, mais c'est. C'est un petit cadeau pour les fans, mais je les trouve mal faits pour ceux qui ne connaissent pas l'univers. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas une bonne gestion comme pour les Marvel, où il y a des petits easter eggs comme ça pour les fans. Oui, mais dans Marvel, temps, ça passe mieux parce que ça n'a pas forcément de grosses incidences sur les scénarios. Voilà, et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas une bonne gestion en fait des deux publics qui vont regarder le film. Les fans qui ont lu les comics et ceux qui viennent en sachant rien, quoi. Exactement. Et donc, je disais. Après aussi, la manière dont sont amenés les futurs super-héros, donc les méta-humains, tout ça, enfin, Aquaman, Flash, etc. Je trouve que c'est amené vraiment de manière très très maladroite, quand même. Enfin, le coup du dossier, voilà, où Wonder Woman elle regarde les. En vrai, je trouvais ça vraiment. Amené de manière un peu. Ça m'a pas choqué parce que de toute façon ils avaient pas le temps de faire une grosse scène pour ça et je trouve que bon voilà là c'est au moins c'est juste teasé. Mais en fait ils pouvaient mettre ça de manière un peu subtile quoi, c'est mal teasé justement, enfin. Ou c'est amené un peu, enfin voilà quoi. En fait à vouloir tout donner tout de suite c'était bien, enfin ce qui fonctionnait avec les Avengers c'est que c'était petit à petit en fait. On avait, enfin comme tu disais, je pense qu'un Batman Il y avait plus bien, il y avait plus de films avant et je pense qu'ils veulent rattraper la concurrence. C'est peut-être ça leur problème. Après, à côté, je trouve le film vraiment bon. La fin, elle est géniale. Enfin, c'est, ouais. C'est vraiment, il y a des, enfin, c'est, il y a des scènes qui sont vraiment d'une beauté, voilà quoi. Mmh. Et il y a une vraie personnalité derrière tout ça. C'est vraiment un film, voilà, qui nous met face à, enfin, défend, face à nos propres peurs, face à l'étranger, face à, voilà, enfin, c'est, ouais. Ouais. Enfin, comment on a tendance aussi à trouver toujours le bouc émissaire, enfin, voilà, enfin, qui est le responsable de tout ça, enfin, de tout. Des attentats, et... par exemple, enfin, d'ailleurs, c'est vraiment l'actualité de la ouais, film. Ouais, et. Non, c'est vraiment de. et justement, je trouve ça très étrange et Civil War sort en même temps, alors que bah, ça parle du même sujet en fait. Oui, et exactement. Là je peux rebondir, politiquement, je trouve le film il est pas spécialement vain, au contraire. Non, il est très bien. On en parlera dans la partie spoiler, mais il y a un gros moment à la fin où je me suis dit, le film dit quand même des choses. Ouais. Ah voilà, oui, bah c'est ça, bah oui, c'est... C'est pas vide. Mais si je pense il y a des trop gros trous et il faut les combler, je pense que la version longue pourrait aider justement à combler ces petits trous. Voilà. Et ouais, après moi de mon côté, j'ai trouvé que Gal Gadot était vraiment génial. Mm-hmm. C'est vraiment le, enfin j'ai vraiment l'impression de voir la Wonder Woman que je connaissais dans les comics, quoi. Enfin, ouais, exactement. Ouais. Je veux dire, le côté dans le combat, par exemple, quand elle se prend un coup en plein poids et qu'après elle se relève avec le sourire, voilà. Ouais. Elle adore la guerre, en fait. Elle adore. Je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment le personnage, quoi. C'est vraiment Wonder Woman, quoi. Elle a vraiment bien interprété le truc. Ça se voit qu'elle est vraiment très attachée au projet, qu'elle a vraiment envie de bien faire. Et ça fonctionne. C'est le film vraiment que j'attends le plus, le Wonder Woman solo movie. C'est moi aussi, parce que en plus, il y a un casting magnifique, quoi. Robin Wright, Chris Pine. Ouais, Chris Pine, franchement, je pense que ça va être vraiment intéressant. En plus, la réalisatrice, voilà, c'est une très bonne réalisatrice. Ouais. C'est qui a fait Monster. Et donc, qu'est-ce que je disais? Gal Gadot. Voilà, donc Gal Gadot est superbe. J'avais un truc super bien à dire, mais j'ai oublié, tant pis. Et donc, voilà. Par contre, la 3D, J'ai pas vu en 3D. La 3D, franchement, c'était... 2h30 en 3D, t'as été courageux. J'avais pas trop le choix, surtout. Et c'était vraiment dur à... C'était vraiment mal aux yeux, parce que ça a son décès l'image, j'avoue, il n'est pas très clair, donc... Ouais, au niveau de son image, donc ça a son décès vraiment le truc, quoi, et ça avait absolument une utilité. Au début, l'introduction, comme beaucoup, j'ai trouvé ça vraiment super. Le plan sur les perles, enfin, c'est. Comme oui, je disais, oui. Tout à l'heure. Ça, par contre, oui, je l'ai pas dit, mais j'ai trouvé que c'était bien, justement. C'était bien amené de parler de la mort des parents de Bruce Wayne comme ça. On en parle au générique, au début, et après, c'est fini, quoi. Parce que c'est le truc qu'on a vu dans tous les films Batman, et au moins là, bon. Ça passe comme ça. Et après, ce que je trouve aussi, c'est que c'est vraiment un film vraiment désespéré, même dans ses combats. Enfin, c'est un film vraiment qui est fait à la sueur du front, quoi. Enfin, tu sens, enfin, quand même, qu'il y a quand même énormément de travail. C'est vraiment un film qui, même dans ses personnages, c'est des personnages qui, enfin, qui sont, enfin, ouais, qui, enfin, ouais, franchement, bref, qui sont travaillés. Ouais, voilà, qui sont vraiment travaillés. On entre maintenant dans la zone spoiler, Quentin a commencé à spoiler à partir de ce moment-là, donc j'ai voulu arrêter pour ne pas vous gâcher le film, mais comme j'ai pas pu vous donner mon avis sur le film sans spoiler bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui voulaient connaître quand même mon avis, je vais rapidement vous le donner. Donc moi j'ai adoré le film, je suis allé voir deux fois en moins d'une semaine au cinéma, j'ai passé des super moments devant le film. Pour moi, Zack Snyder se rattrape complètement de son Man of Steel que j'avais détesté en 2013, qui était un des pires films que j'avais vu. Donc au niveau des choix artistiques, au niveau de la réalisation, au niveau des acteurs, tout est génial. La musique est excellente. Vous avez pu entendre quelques morceaux durant cette critique. Le scénario est vraiment génial. Moi, j'ai passé un super moment. Les dialogues sont géniaux. Je dis beaucoup génial dans cette critique, je suis désolé. Je ne suis pas très inspiré, mais il fallait que je le dise. Les dialogues sont vraiment exceptionnels. Le scénario, j'ai rarement vu ça au niveau des films de super-héros, parce qu'il y a une vraie implication politique. Est-ce qu'on a besoin d'un Superman? Est-ce que Superman nous fait plus de bien que de mal finalement? Donc il y a une vraie question sur le bienfait de Superman, sur ses intentions et voilà sur la résolution par rapport à Batman, etc. Ça c'est pour la partie spoiler. Voilà, moi j'ai passé un super moment et je vous en dis pas plus. Vous pourrez écouter mon avis dans la partie spoiler pour ceux qui l'ont vu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui ne veulent pas se gâcher la surprise des nombreuses choses qui se passent dans ce film, je vous conseille d'aller à 2h47 minutes et 9 secondes pour écouter la fin de l'émission quand même, parce qu'on dit des choses intéressantes dans cette fin d'émission. Donc, même, bon, je suis désolé si c'est pas vrai, j'ai pas encore écouté vraiment, je m'en souviens plus tellement. Voilà, donc, je vous dis à tout à l'heure pour la sortie de la zone spoiler. Et donc, et puis la fin aussi, j'ai trouvé ça vraiment génial. L'ex-Luthor dans sa prison, dans sa. Bah, si, ouais, par contre, moi, la fin, il y a plein de moments où tu crois que ça va. Hop, ça y est, le générique va arriver. Et non, c'est rallonge, rallonge, rallonge. Ça, c'est oui, voilà, ça parce, marche, que, ouais, parce que ouais, ça, par contre, je suis d'accord parce que t'as très bien compris. Et, oh, merde, je vais spoiler. Mais, Ouais, de toute façon, je couperai, je dirais qu'il y a une ouais. partie spoil. On est en partie spoil. Oui, ouais. Parce que t'as très bien. Parce qu'on comprend très bien voilà, qu'il est pas mort. On le sait. Parce ouais, que mais attends, ce dernier plan. Ce dernier. Cette le dernier plan est magnifique. Moi, je pensais, je pensais pas qu'il pouvait mourir, moi. Si, bah, c'était en kryptonite le bâton, enfin le bâton, qu'est-ce que j'en ai. La lance. Oui, la lance qu'il avait fait Bruce Wayne. Voilà, exactement. Donc c'était en kryptonite, et donc comme il s'approche de la kryptonite, il devient humain. Il est plus. Il vient plus. Enfin, c'est plus un super-héros. Et donc, Doomsday le tue. Et donc, mais comment ça s'explique alors qu'il revit Après, ça, c'est. Ce serait un peu spoiler le prochain c'est le film. C'est côté biblique. Moi, ça me gêne voilà, pas. C'est ça me gêne pas. C'est, de... mais, parce que moi, c'est moi, c'est ce très, que j'avais trouvé dans Man of Steel. Il y avait vraiment une relecture de la Bible aussi. Avec, en même temps, Superman, Tu parlais du prince d'Égypte. Ouais. Bah, moi, j'avais pensé à Moïse, la mère qui envoie son fils sur une autre planète dans une petite capsule. Enfin, c'est. Oui, non, mais ouais, on avait Superman, pensé à ça. Donc très, là, très, il va y avoir la résurrection. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Superman, c'est Jésus, quoi. Mais c'est depuis. Ça m'a surpris, je pensais pas qu'il y avait un tel attrait, en fait, à la religion dans ces films. Non, mais depuis la création de Superman, c'est vraiment très. Enfin, c'est très ancré dans le personnage et dans tous les comics, d'ailleurs. Après, un point que j'ai beaucoup aimé, même si, bon, d'accord, c'est vrai que Loïs, elle a pas tout le temps sa légitimité. Enfin, elle a pas lieu d'être autant mise en avant, en fait, dans le film. Elle est vraiment non, très. Il la fout vraiment à des endroits qu'elle sert à rien. Voilà, mais quand même, j'ai beaucoup aimé l'aspect. Enfin, la fonctionnalité du couple de Loïs et Clark, je trouve que c'était vraiment très bien organisé, tout ça. Dans la grosse bataille à la fin, tu sens bien qu'elle est là parce qu'il faut qu'il la foute quelque part. Hein. Même bah, si, elle oui, elle sert preuve, à un truc, qui, mais quand même, je veux dire que justement, Wonder Woman elle aurait, voulait... pu aller, aurait pu aller chercher le... Mais non, elle tenait Doomsday avec oui, son lasso. Ah oui, bah Batman. Oui, bah Batman, il lançait sa cartouche de kryptonite. C'est très... ouais, c'est très bizarre comme je le dis, mais... Et donc, et par contre, un point que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était la scène où t'as Loïs qui est sur le lit de Clark, enfin le lit d'enfant de Clark, et je trouve ça vraiment une scène très très forte. Là, franchement, il y a vraiment une alchimie, quoi. C'est un vrai couple c'est pas Pepper et Tony, enfin, même si mais ça marche bien, Pepper et Tony, je veux dire, c'est pas non plus, c'est autre chose, là, c'est vraiment, enfin, une toute autre, quoi. Même si, voilà, enfin, Pepper qui ramasse le casque d'Iron Man dans les cendres de la maison, enfin. Je trouve ça beau aussi, mais ça marche vraiment bien. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Après j'ai des réserves, vraiment, et j'attends de voir la version longue qui pourrait vraiment faire la différence. Ce qui est bien, c'est que la version longue va sortir avant la fin de l'année, donc on pourra se refaire un avis avant. Avant le film. Ouais, donc voilà, moi j'annonce direct que j'ai vu le film deux fois en moins d'une semaine parce que j'ai vraiment je vais raconter d'abord le premier visionnage, enfin je vais dire mon avis du premier visionnage. Après j'ai ressenti plus de réserves sur le deuxième, mais en tout cas le premier j'étais complètement j'étais en extase devant le film, c'était vraiment j'ai passé un super moment. devant ce film, et je voulais absolument le revoir juste après. Après, au deuxième visionnage, j'ai vu tous les. Il y avait quelques problèmes scénaristiques, c'est vrai. Il y a quelques problèmes pour ceux qui connaissent pas l'univers. Ah ouais, non. Il y a des problèmes de montage. Voilà. Ce film a des problèmes, et je pense que personne ne peut dire le contraire. Mais pour moi, il y a tellement de trucs vraiment très, très bons dans ce film que je ne peux pas non plus les écarter. Parler des acteurs, Ben Affleck, Henry Cavill, je trouvais mais vraiment naze dans Man of Steel, je ne l'aimais pas du tout, je ne retrouvais pas Superman. Et là, ils ont rajouté une profondeur au personnage de Superman. D'ailleurs, ils posent une question dans le film, est-ce qu'on a besoin d'un Superman ? Et je trouve que c'est vraiment la question qui se pose durant tout le film, et c'est super bien interprété par Henry Cavill, qui pour moi est de nouveau, enfin qui est vraiment un super bon Superman dans ce film là, parce que Man of Steel, voilà. Par exemple, la scène où il va dans la montagne, où il voit son père, je la trouvais un peu dispensable aussi. Ouais. Voilà, il y a des scènes qui sont dispensables, c'est vrai. En plus, Kevin Costner qui est là juste pour prendre son chèque, c'est horrible. Ouais. Déjà qu'il n'était pas terrible dans le premier, alors voilà. On a vraiment l'impression. Kevin Costner, c'est vraiment un acteur qui, j'ai l'impression, il s'en fout complètement du truc. Il est juste là pour prendre son chèque. Mais bon, ouais, Kevin Costner, il a fait des bons films, hein, Kevin Costner. Oui, non, mais là, en ce moment, enfin, dernièrement oui, bah, que, voilà. Il est plus du tout bankable, donc. Oui, c'est pareil. Hein, par exemple, il y en a plein comme ça. Ouais. Ouais. Voilà. Jesse Eisenberg, moi j'ai beaucoup aimé son Lex Luthor. Je l'ai trouvé très très bon, même si c'est vrai que c'est un mélange de Mark Zuckerberg un peu. Enfin, on retrouve un peu de Mark Zuckerberg, etc. C'est un peu le personnage type de Jesse Eisenberg, mais je trouve que ça marche, ça fonctionne très bien. Et ouais, justement, la fin où il le rase, etc. J'ai trouvé une scène très très forte. Ouais, c'est très bien. Donc voilà, il y a énormément de symbolique, etc. pour les prochains films. Et c'est moi j'ai beaucoup aimé, mais je comprends que ça puisse déplaire à tous ceux qui ne connaissent pas l'univers. Par exemple, la scène du rêve qui amorce la véritable bataille contre Batman et Superman. Je pense que ce film, c'est un peu un avant-goût de ce qui va se passer dans Justice League au niveau de Batman et Superman, qui ne seront pas totalement alliés. Je pense qu'on peut, l'annoncer ça, parce que ça se voit dans cette scène de rêve où Superman arrive et il dit « Elle était mon monde, tu me l'as enlevé ». Donc voilà, on ne sait pas de qui il parle, enfin, on peut s'en douter un peu. Mais, oui, bah, il a tué sa mère, ou il a tué... Ou Lois Lane, enfin voilà. Mais... Ouais, il va pas tuer sa mère parce qu'elle s'appelle Martha. Oui, ça aussi. Ça, pareil. Non, j'ai trouvé que c'était... Mais les gens qui sortent tout le temps ça pour dire que c'est une baisse... Mais non, mais c'est un peu ridicule, quand même. Bah non. Mais attends, je veux dire, dans un film... Ils peuvent pas se saquer pendant bien une heure et demie de film, et là, à la fin, ouais, quand ils sont censés se taper sur la gueule, oui, mais ma maman s'appelle Martin, donc on se tape pas. Non, mais attends, c'est quand même prendre les gens pour des cons, c'est les skis. C'est un raccourci scénariste, mais c'est un raccourci, mais. Oui, mais c'est trop gros. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est... non, mais c'est. Enfin, et encore, c'est crétin, quoi. Quand tu le vois dans le film comme ça, ça paraît débile. Enfin, moi, et ça m'a vraiment choqué, quoi. Et encore, je trouve qu'on est gentil de parler de raccourci, pour moi, c'est une connerie, quoi. Clairement. Ah, c'est peut-être comme ça dans, je sais pas si c'est comme ça dans le comic, j'en sais rien, mais la façon dont c'est amené, c'est vrai. Ah ouais, que non, mais peu, c'est ça, hyper maladroit, ça tourne au ridicule quand même, hein, je trouve. Ouais. C'est maladroit, mais ça prend un sens. Moi, je trouve que ça fonctionne quand même un petit peu. Après, je suis peut-être un. L'idée fonctionne. L'idée fonctionne, mais la scène en soi, ça rend un peu ridicule. Parce que c'est vrai qu'il dit Martha, et là il s'arrête. C'est vrai que ça fait con, quoi. Enfin, les réactions de plus. Hein. C'est pas forcément très bien joué. La scène n'est pas très bien jouée, par ailleurs. En plus. Non, mais donc, je veux dire, ce qui les oppose, c'est. En fait, ce qui les oppose, c'est tellement fort. Quand tu vois Batman, il en veut vraiment à Clark Kent. Et là, hop, comme ça, l'argument Martha, paf, ça passe crème. Donc, En général, c'est ce que le grand public retient en plus. Hein. Il se moque beaucoup de ça. Je veux dire, c'est pas le genre d'erreur que tu fais sur un film aussi attendu, quoi. Ouais. Surtout quand ton premier film, il est loin d'avoir fait l'unanimité. Oui. Ouais, mon Zack Snyder, il s'en fout de ça, tu sais. Ouais, je pense qu'il s'en fiche. Mais voilà, donc. Enfin, moi, ça m'a choqué. Oui, bah. Je comprends que ça peut. Ouais, voilà. Mais pour moi, ce film efface toutes les. Enfin, quasiment, on peut pas non plus effacer toutes les erreurs que Man of Steel a fait. Mais moi, ce que je reprochais énormément à Man of Steel, c'est cette scène où Superman se bat contre Zod dans la ville et qui s'en fout des civils et qui défonce des buildings et tout ça. Et c'est très bien amené dans ce film, je trouve. Je trouve que c'est super bien fait, que on voit tout. Bon, bien sûr, ça se remarque encore plus la deuxième fois, là, les employés de Bruce Wayne qui attendent le téléphone pour ouais, que ouais, c'est, vraiment, c'est vraiment entre mais c'est une des scènes où j'ai rigolé un peu intérieurement. On va tous mourir, mais on s'en fout, le patron, la panique, on veut s'en aller. Oui, mais sinon le reste de la scène est très très belle et voilà, moi j'ai beaucoup aimé le film. Alors qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'acteur qui joue le personnage que Bruce Wayne sauve et qu'après qui revient pendant le procès de Superman, c'est l'acteur qui jouait l'ex de Amy dans Gone Girl. Je trouve ça assez marrant de voir Ben Affleck. Voilà, j'avais pas fait le parallèle, mais dans Going Girl, ouais, qui lui dit voilà qu'il avait aussi voilà. C'est Neil Patrick Harris, son ex, dans Going Girl. Non, un autre. Ah, l'autre que Ben Affleck va voir. Ouais. Ouais. À New York là. Ah oui. Un acteur, c'est un acteur qui joue dans Catch Fire. Ouais. Bravo. Il est fan. Hein. Donc voilà, moi je trouve que j'ai trouvé ça très intelligent de faire, même si on peut appeler ça des facilités scénaristiques, mais moi j'ai trouvé ça très bien que on n'explique pas comment Lois Lane découvre que Clark Kent, c'est Superman. On le met direct dans le oui, film. Non, mais ça, on l'avait compris. Non, elle n'avait pas compris dans le film. Parce qu'à la fin de Man of Steel, il vient au Daily Planet, mais il a mis des lunettes, donc forcément, on le reconnaît pas. Mais voilà, bon, qu'est-ce que c'est con, quoi, je veux dire. Mais c'est un mec avec les couches. C'est un mec avec qui elle couche, donc ça veut dire qu'en gros, pour coucher avec elle, il garde ses lunettes, quoi, en fait. Ouais. Sinon, on l'aura pas reconnu. Non, mais attends. Non, mais ça vient du comics, hein, c'est pas non plus. Mais oui, mais. Ce qui est dans le comics, ça n'a pas forcément du sens au cinéma, ou. C'est ça le problème. Non, mais. Je sais, mais tu peux pas enlever ça non plus au personnage parce que ça fait toute son. Peut-être, mais ça paraît pas crédible. Je sais, justement, c'est pour ça qu'ils le font comme ça. Parce qu'ils veulent pas avoir une scène où il enlève ses lunettes, elle se dit Superman. Ce qui est dans les riches. Oui, mais même, il y a d'autres façons d'amener comment elle le comprend. Moi, de toute façon, je pense pas. Je pense que de toute façon. Le personnage de Laurence Fishburne. Le personnage de Laurence Fishburne, il sait pas que Clark Kent c'est Superman. Oui, mais ça, c'est et pareil. Pourtant il travaille à côté de lui. Je veux dire, il a dû voir Superman. Ouais, il a vu que Clark Kent était mort dans le. Eh oui, il a vu. En même temps que Superman, partout, enfin, il a dû. Il fait pas de. Il ouais, bosse en plus, c'est un journaliste. Ouais, il fait des articles sur Superman, il a des photos et tout, mais il arrive pas, il vide pas que son employé, c'est. Il a la même tronche, juste avec les lunettes en plus. C'est le genre de truc. Quand Mary Jane et puis l'entourage de Spider-Man ne le reconnaissent pas, ok, il a un masque. Oui, mais on ne reconnaît pas Batman, Superman. C'est pareil, il a un masque. Un masque à Superman et Clark Kent ne peut pas se dévoiler à tout le monde. Mais tu veux dire que c'est pas très. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve. Peut-être que c'est à l'origine des comics, mais pour moi, à l'origine des comics, c'est cool. Mais c'est con. Mais oui, c'est con. J'ai jamais dit le contraire. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'on ne peut pas. Je trouve que ça n'excuse pas l'incohérence que ça peut provoquer dans le film. Parce que pour moi, dans le film, ça fonctionne pas. Peut-être que dans un comic, ça fonctionne, mais dans un film, ça marche pas. C'est pas si perturbant non plus. Je veux dire, il y a des plus gros problèmes que ça. Oui, il y a des plus gros problèmes. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je suis pas revenu tout à l'heure non plus quand j'ai parlé non. dessus. Mais c'est vrai qu'en y repensant, tu te dis, mais quand même. C'est sûr. Mais après, c'est... Enfin, mais après, il y a ça dans plein de films, dans plein de... T'imagines, ça aurait été encore plus con s'il y avait eu la scène où il enlève ses lunettes et elle se dit Superman. Donc je trouve ça bien de pas avoir... Mais elle sait que Clark Kent est... Mais évidemment, Mais en plus, mais je veux dire, elle va chez les Kent de toute manière, donc elle le sait. Elle va chez les Kent et puis à un moment, ils sont sur un balcon, lui, il arrive en volant, donc bon... Pas dans ce film, dans... Ouais, dans Man of Steel, elle le sait. Mais non, mais okay. Dans Man of Steel, elle va chez les Kent aussi. Oui. Oui, mais elle parce va devant la tombe. Elle a parfaitement compris. Ouais. Bon. C'était, il le sait, en fait, ça vient naturellement en fait. Ouais. Mais je pense que j'ai l'impression qu'on passe trop de temps sur ce point. Ils n'insistent pas là-dessus parce que c'est pas. Ouais, on a passé un. Je pense qu'on passe. Alors que moi, je voulais juste dire que c'était. Ouais. Voilà, voilà. Parfait. Moi aussi, bon. Les trois quarts des podcasts sur les lunettes de. Voilà. C'est... Mais aussi, je trouve très bien qu'on n'ait pas passé trois heures sur la mort des parents de Bruce Wayne. La scène d'intro est vraiment très très bonne. La scène où il découvre. Enfin, où il tombe dans le puits et où il y a les chauves-souris qui apparaissent. J'ai trouvé très bonne aussi. Ils volent, mais parce que c'est dans un rêve. Mais parce que c'est dans un rêve, voilà. Ouais. Moi aussi, au début, je me suis dit, putain, mais Batman, il vole, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, non, voilà, ok. On va essayer d'aller vite, parce que là, ça fait trop longtemps qu'on parle de Batman et de Superman. Qu'est-ce que je voulais dire encore? La réalisation, moi, j'ai trouvé très très bonne. Zack Snyder, alors moi, ce que je supportais pas dans les combats de Man of Steel, c'était les gros zooms de Superman qui volent, là, où il fait des zooms énormes, alors que là, il y en a qu'un seul dans le film, donc ça se voit. Heureusement, il en a pas fait plus, parce que ça, je supportais pas. Les combats sont, pour moi, je les trouve lisibles. Ah non. Ah bah moi, je suis pas d'accord du tout. Moi, c'est le gros problème. Si, il y a une. Si, quand même. Le combat de fin, peut-être, mais alors les autres. Non. Il n'y en a vraiment qu'un gros, hein, de toute façon. Le combat dans l'entrepôt, je le trouve très très bon. Ah oui, c'est une vraie violence. Ouais, en plus, ça, même si je m'en fiche, je sors cette référence, ça fait penser aux jeux vidéo de Batman, Arkham City, Arkham Asylum. Cette scène fait vraiment penser à ce Batman-là, donc moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, la réalisation est très très bonne, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Les effets spéciaux sont plutôt pas mal, même si j'ai une réserve sur un abus trop excessif de fond vert, mais en même temps, pour faire Superman, c'est un peu obligatoire. Donc voilà. C'est sûr qu'on l'aurait pas attaché à des ficelles dans le ciel, ça aurait été un peu con. Mais voilà. Alors, sinon, je crois que c'est tout. Enfin, j'avais énormément de choses à dire, mais en même temps, on a beaucoup dit, on en a beaucoup parlé pendant tout ce truc. Donc, si quelque chose me revient, je le dirai sur Twitter. Voilà. Mais voilà, en gros, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai passé un super moment, autant la première que la deuxième fois, même si la deuxième fois j'ai vu quelques petits problèmes de montage, scénaristique, etc. Au niveau des personnages qui introduit Cyborg, Flash, Aquaman, moi j'ai trouvé ça très très bien. Bon, c'est sûr que ça arrive, hein, avec ses gros sabots, mais après, il fallait bien les caser quelque part dans ce film qui fait déjà 2h30. Et sinon, c'est tout. Voilà. J'ai beaucoup aimé et je vous le conseille énormément si vous l'avez toujours pas vu. Mais bon, si vous êtes dans la partie spoiler et que vous l'avez pas vu, c'est un peu bête pour vous. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on peut enfin passer à cette fin? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, d'accord. On va passer tout de suite à la fin de ce podcast. Voilà, donc vous sortez de la zone spoiler actuellement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous ne savez rien à part nos avis. Par contre, bon, pour ceux qui ont écouté la zone spoiler, je m'excuse un peu de tout ce débat autour des lunettes de Clark Kent. C'était pas trop prévu. Ça a duré un peu longtemps et je m'en excuse, mais il fallait que je le laisse pour la continuité du podcast. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne fin d'émission et on est parti pour la fin de l'émission. On est enfin à la fin de ce podcast. C'était aussi long que Batman v Superman. J'ai senti. Mais on a fait pire. Enfin, je l'ai pas aussi. J'ai pas autant senti passer que Batman v Superman, mais voilà. Donc c'est... Franchement, plus sérieusement, j'ai passé un très bon moment à faire ce podcast. On a bien débattu sur Batman v Superman. Si vous avez des réflexions sur ce film ou sur les autres films dont on a parlé, N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, donc dans les commentaires sur movieznerd.net, où vous pouvez retrouver toutes nos critiques et nos podcasts, sur Facebook et Twitter, donc Facebook c'est moviesnerd et Twitter c'est movies_nerd. Voilà, moi vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Sens Critique à TheLexal, T-H-E-L-I-L-E-X-A-L, pardon. Et on va passer à Quentin, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors on peut me retrouver sur Twitter, donc c'est Taroning, mm-hmm. et sur Sens Critique, donc voilà, Taroning aussi, okay. et sur Movieznerd, bien sûr. Ouais, ouais. Avec tes critiques. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ciné Morgane. voilà. Morgane. Moi c'est sur Twitter @cinemorgan tout simplement et sur votre casteur Cinémaniaque. D'accord. Et voilà. Mais Sens Critique, Twitter aussi si vous voulez, Facebook et puis Movies Nerd Eastark. Mmh, d'accord. I pour les nouveaux c'est un E. Hein, oui. Eastark. Voilà. E-Eastark. Donc merci encore d'avoir écouté, merci à vous trois d'avoir participé à ce podcast qui fut très long et je sens que ça va être aussi long au montage. Je vous dis pas le travail que je vais avoir, mais voilà, donc merci à vous d'avoir écouté. Vous pouvez toujours nous laisser un petit commentaire sur iTunes pour nous faire connaître de la scène podcastique française, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on vous dit à la prochaine, ciao. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You unbothered to fool him around. When you've seen him, use a gun, boy. When you've seen him, use his gun.